c'est parti! La Voix des guerriers, oui, pour cette émission du 25 octobre 2009. On va vous parler, évidemment, de l'événement qui s'est déroulé hier soir, le UFC 104, avec un combat qui, bon, certains ne semblent pas avoir apprécié les résultats. On parle évidemment de Lyoto Machida face à Mauricio Roy. On va vous parler également d'un événement qui s'est déroulé hier dans la province du Manitoba, laquelle un Québécois était là pour combattre. Il s'agissait de Yannick Galipeau lors du même événement. Là, en fait, c'était pas au Manitoba, là, je m'aperçois de ça, c'était à Edmonton, en Alberta. Je suis désolé. Alors, Yannick Galipeau, lui, y était. Il y avait le Français Cyril Diabaté également qui y était. Alors, on va vous parler un peu de tout ça au cours de l'émission. Mais bien évidemment, l'événement qui a touché et intéressé tout le monde hier, soit le 24 octobre, c'était le UFC 104 qui s'est déroulé à Los Angeles. Et oui, on va en discuter avec Fred, l'homme nouvelle Garcia. Bonjour Frédéric. Salut Ken, bon matin à toi. T'as-tu apprécié ton gala UFC hier? Ça a été un événement correct. Décent, sans plus. Il n'y a rien là pour nécessairement de si renversant que ça. Il y a eu quelques bons combats, quelques déceptions, quelques controverses, mais pour moi, c'est pas des grosses controverses tant que ça, mais ça a été des bons combats. Et si on commençait tout de suite là, à parler de ce premier combat, où je pense il y a eu beaucoup de controverses suite à la décision. Donc, pour vous dire, ceux qui sont pas au courant, ben là, hein, c'est Lyoto Machida qui est allé chercher la victoire par décision unanime dans un combat chaudement disputé et dans un combat également où à peu près tous les amateurs semblent avoir donné la victoire à Mauricio Roy. J'ai fait le tour de quelques sites internet et la majorité, ben, la totalité, le Sherdog, leurs trois juges donnaient la victoire à Mauricio Roy. Très serré par contre dans chacun des rounds, des 48-47, 48-47. L'un des juges, lui, c'était un peu plus clair que ça, a donné un 50-45 à Roy. MMA Fanals, 48-47 pour Roy. MMA Mania, 50-45 Roy. MMA Nouvelle.com, le site de référence pour les francophones, le site où, évidemment, le MMA héberge, c'est sur MMA Nouvelle.com. L'ami Fred, l'homme nouvelle, Flintstones Garcia, lui a donné la victoire également à Mauricio Roy. Moi, pour ma part, ben, je dois dire, je suis un admirateur de Lyoto Machida, mais j'ai donné un combat très serré. Et puis j'aurais pas de, nécessairement puis j'ai pas qu'on vraiment regardé ça avec avec attention certainement là, mais j'avais pas mon crayon puis j'ai pas pris des notes pour calculer tous les rounds. Clairement, j'avais donné les deux premiers à Lyoto Machida. Les deux derniers, c'était assez clair également que c'était à Roua. Pour le troisième, là, c'était très serré. Puis chacun des rounds également, c'était serré. Je pense qu'une décision de combat nul aurait été très honnête également. Mais ce qui est certain, c'est que ce combat-là exige un combat revanche. Mais je ne crois pas qu'il y a lieu là, de crier au vol, puis que c'était truqué, puis la grosse affaire, puis le gros chambardement. Il y a beaucoup de gens qui sont émotifs, là, puis il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas Lyoto Machida, qui ont aimé, qui ont fait semblant de l'aimer après un ou deux combats de Machida face à Ortiz, face à Rachel Evans, mais qui rapidement, là, après ce combat-là, ben là, on se remet à décrier le style de Lyoto Machida. Moi, c'est un style que j'affectionne bien, malgré que hier, effectivement, il n'a pas été efficace comme on l'a déjà vu être efficace dans quelques combats précédents dans le UFC. Fred, comment tu as vu le combat pour ta part? Ben moi, j'ai vu que Roy a gagné, comme tu dis, tu as mentionné ma carte de pointage. J'avais ça à 49-46 pour Roy, et je vais être honnête, le seul round que j'avais donné à Machida était le troisième où il a fini en feu, et jusqu'à ce point-là, c'était serré. Mais avec ça dit, toutes les rounds que j'ai donné à Roy, surtout les deux premiers, auraient pu aller aussi bien du côté de Machida, parce que c'était relativement serré, les deux. Les deux ont passé beaucoup de temps à s'étudier, puis moi, j'ai beaucoup aimé la stratégie, justement, de Roy. C'est pour ça que j'y donnais les rounds. Parce que il a su contrôler son agressivité et il a quasiment battu Machida à son propre jeu, à mes yeux. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé la performance de Roy. Et j'y ai donné 4 rounds des 5. Alors, la décision m'a semblé surprenante. M'a dit que dès que Bruce Buffer a dit 48-47, je m'attendais à 48-47 Roy et je me disais déjà, ah oh ouais, quel autre round ils ont donné à Roy, à Machida dans ma tête. Oh, moi, j'ai donné le premier à Machida, comme je te l'ai dit tout à l'heure, entre autres à cause de quelques bons coups de genou qui a touché la cible, dont une des combinaisons, là, 3-4 coups de genou dans l'abdomen de Roy en clinch à la sauce thaïlandaise, bien appliqué par Machida, a touché la cible. Puis à un autre moment donné, au courant du premier engagement, il a réussi à placer un excellent coup de genou également qui a percuté Roy, un coup de genou qui, bon, je dirais, qui a sûrement affecté Roy. Mais bon, personne là, dans les cinq engagements a vraiment été ébranlé dangereusement. À un certain moment donné, je pense que au troisième, Machida a réussi quand même à ébranler légèrement Roy puis à l'acculer le dos sur le grillage. Mais dans cet échange-là, Roy a réussi à placer un crochet, je pense, avec sa main arrière, si je ne me trompe pas. Puis, il a également touché la cible assez solidement. Mais Machida avait distribué quelques bons coups de poing, puis même un coup de pied, là, alors que Roy semblait pas en danger, là, mais quelque peu ébranlé. Mais sinon, un combat très serré, puis chacun des rounds était difficile à juger. C'est le genre de combat où il n'y avait pas de décision parfaite, je pense. Je pense que ça exige un combat revanche pour mettre la situation au clair. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis je pense que Dana White également, en conférence d'après-combat, a parlé de ça. Puis qu'effectivement, ça demandait un combat revanche assez rapidement entre les deux pugilistes. Mais il n'y a pas de quoi, en tout cas dans mon cas, à crier au scandale. C'était un combat très serré. Deux athlètes qui ont démontré beaucoup de techniques debout. Mais je pense que l'erreur de Machida, c'est qu'il n'a pas su étendre son plan de match. Il était un peu trop debout. Je pense que lorsque Shogun a tenté de s'amener sur Machida et de l'amener le dos contre le grillage, Machida aurait dû tenter d'amener le combat au sol au moins à une ou deux reprises, juste pour créer une incertitude dans la tête de Mauricio Roy. Parce que là, Roy, je pense que c'est assez clair que Machida voulait seulement qu'il échange debout. Puis peut-être qu'en amenant le combat au sol une ou deux fois, comme il l'a déjà fait face à Tito Ortiz, bien, ça peut juste lui donner d'autres possibilités dans le cas de Lyoto Machida. Mais sinon, des bons coups de genou appliqués par Mauricio Roy dans les deux premiers engagements, je pense, alors que les deux étaient côte à côte, des coups de genoux sur les jambes de Machida. Et puis ça a été très efficace. Puis ça l'a paru surtout dans les deux derniers engagements où Machida avait beaucoup de mal à se déplacer, à lancer des coups de pied. On l'a vu même, je ne sais pas si c'est au troisième ou au quatrième engagement, ma mémoire fait défaut. Machida a lancé un coup de pied, puis il a chuté au sol. Probablement, c'était sûrement pas une erreur technique, là, parce que Machida, c'est un gars de karaté Shotokan, puis une ceinture noire, puis bon, quand t'as fait les arts martiaux traditionnels, tu es capable de lancer des coups de pied sans tomber, mais là, devait souffrir énormément des jambes, puis avoir moins de force, c'est pour ça qu'il avait de la misère à être aussi efficace dans les derniers engagements, à se déplacer à gauche, à droite, puis à faire des mouvements comme on le voit habituellement pour éviter de recevoir des coups. Et là, il était vraiment sujet à recevoir des coups. Et dans ma tête, c'était évident que Roy a remporté les deux derniers engagements, mais pour les trois autres, c'était très serré. J'en ai donné au moins deux à Machida. Ben, tu vois, tu parlais de Machida et ses jambes. Moi aussi, j'ai remarqué une couple de fois, même on aurait dit que ça lui faisait vraiment mal, les jambes, parce qu'il lâchait sa position habituelle pour se déplacer et enlever, si on veut, le poids sur sa jambe, on aurait dit. Alors, oui, Roy a fait du bon travail, puis il a fait mal à Machida. Moi, les deux premiers rounds ont été très serrés, mais j'ai plus aimé les coups que Roy a donnés. Et moi, en général, tout court dans un combat, j'aime beaucoup aussi quand le gars impose le tempo. Quand je vois un round serré, j'ai tendance à le donner au gars qui va avancer plus qu'au gars qui va reculer. Alors, c'est pour ça que j'ai donné les deux premiers rounds à Mauricio Roy dans ce combat-là. Oui, ben c'est ça. Je peux comprendre qu'on peut donner la victoire à Roy, mais pour moi, il n'y a pas de scandale là. C'est un combat très serré. Puis ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de combat revanche entre les deux pour éclaircir la situation. Les deux vont être encore mieux préparés. Machida a peut-être gagné le combat, mais dans sa tête, puis là, il va voir tout ce que les fans ont dit. Il va avoir faim à un combat revanche face à Roy. Il va sûrement adapter un plan de match différent pour un deuxième affrontement. Ça va mieux se dérouler pour lui. Puis dans le cas de Mauricio Roy, lui, il va être en pleine confiance dans un combat revanche. Il sait qu'il peut remporter le combat face à voyons, à Machida, qui peut échanger debout sans trop de difficultés. Alors, je pense que le deuxième combat, quand il va avoir lieu entre ces deux-là, va être d'autant plus intéressant. Et puis, c'est les amateurs qui vont en être gagnants. Tu vois, tu viens de me convaincre, je pense, avec ces dernières phrases-là. C'était tellement bien dit, parce que moi, hier, quand j'écoutais ça, hier, justement, après la décision, j'étais pas convaincu que je veux voir encore ce combat-là, parce que, excusez, ça a été relativement avec un manque d'action, j'ai trouvé. Alors, là, tu viens de vendre un peu mieux ça. Dana White devrait quasiment t'engager comme promoteur. Mais on va voir, parce que je sais pas si les amateurs vont vraiment acheter un autre combat Rua-Machida. Peut-être si c'est vendu, comme tu viens de le dire, que Rua s'est fait voler et qu'il y a une chance. Ou si on met un petit aspect romancé, si tu veux, à l'histoire, là, ça peut générer plus d'attention. Mais le combat en tant que tel d'hier, pour moi, ça n'a pas été le plus vendeur pour un second affrontement. Non, ça n'a pas été un combat où vraiment là, le pied dans le plancher, tout le combat. Mais il y a eu des belles accélérations, il y a eu des belles techniques debout. Mais effectivement, il y a eu certains temps morts dans le combat. Puis Machida, dans les deux derniers engagements, effectivement, il n'a pas fait grand-chose parce que je pense que là, il y avait de la difficulté avec ses jambes. Transfert de poids qui devait être difficile. Les jambes devaient vraiment le faire souffrir. Et c'est pour ça que dans les deux derniers engagements, il n'a pas réussi à faire grand-chose. Mais oui, je pense que dans un autre combat entre les deux, on va travailler fort là-dessus pour dire à Machida, si vous ramassez côte à côte, eh bien là, faites quoi pour soit sortir de là ou amener Rua au sol. Mais il faut pas que tu restes là parce que dans les deux premiers engagements, Rua a réussi à lui placer quelques coups de genoux comme ça dans les jambes. Et ça, c'est le genre de coup qu'il ne pardonne pas. Et on a vu, là, je pense, dans les derniers instants du combat, Machida là, avait pas beaucoup de jambes. Et je pense que on avait des interrogations au niveau du cardio de Rua. Eh bien là, je pense que Rua semblait beaucoup plus frais et dispo que Machida à la fin du combat. Oui, non, Rua était super impressionnant. Moi, les deux... Tu vois, les deux pugilistes, c'est des gars que j'ai écrit un article avant le combat que j'ai des opinions un peu en montagne russe, là, ça change toujours avec eux. J'aimais beaucoup Mauricio Rua dans le Pride. Il était tellement explosif et agressif comme combattant. C'était comme un nouveau style similaire à Wanderlei Silva, mais je dirais quasiment à un niveau encore plus agressif que Wanderlei quand il est arrivé dans le Pride. Puis après ça, quand il est arrivé dans l'UFC, il y a eu plusieurs blessures. Alors, les blessures l'ont ralenti. Et moi, en tant qu'amateur, je regardais Rua, puis j'étais un peu déçu que ça soit du combat de Forrest Griffin ou du combat contre Mark Coleman. Et même sa victoire contre Chuck Liddell, pour moi, n'était pas si importante que ça, parce que Chuck n'était pas dans son meilleur à ce moment-là. Alors, hier, quand j'ai vu de Rua, ça me montre que Rua est peut-être de retour là, à un très bon niveau, ce qui peut être un des meilleurs dans la division. Et pas seulement que peut-être, là, je pense que vraiment c'est un Muay Thai de classe, de haute classe, là, c'est pas n'importe quoi. Puis je pense que c'est un Muay Thai beaucoup plus technique que ce que Wanderlei Silva propose dans ses combats. Et entre autres également, moi il m'a surpris avec sa force physique, ses techniques lorsqu'il a réussi à se frotter à Lyoto Machida puis à le mettre le long du grillage. Peut-être essayer avec quelques occasions d'amener le combat au sol, il est jamais parvenu, mais quand même, encore à corps, c'est lui qui avait l'avantage. Alors, Mauricio Rua, un bon plan de match hier, un bon combat, il méritait peut-être pas la défaite. La victoire, même un combat nul, moi, ça m'aurait... Un combat nul aurait été super pour mon jeu de paris. Ouais, c'est ça, mais bon. Machida a gagné. Ça demande un combat revanche pour éclaircir la situation. Ça a été un combat correct quand même. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui crient au scandale, pas pour ma part. Par la suite, on a quel combat qu'on va vous parler? C'est le deuxième combat opposé deux gros bonhommes. Big Ben Rothwell affrontait Cain Velasquez. Et qui a remporté ce combat-là? C'est bien évidemment Cain Velasquez qui a très bien fait. Et un peu comme il l'avait fait face à Chick Congo, a démontré cette technique en lutte là, assez magistrale et ça lui a permis d'aller chercher une victoire facile. 58 secondes du deuxième engagement, mais la question que tous se posent, Steve Mazzagatti, Qu'est-ce que tu fais là? Oh, Mazzagatti, encore une fois de plus. Mazzagatti et Dan Mary Gliata sont peut-être les deux arbitres que j'aime le moins. Et Mazzagatti a arrêté le combat trop tôt. Ça enlève rien à la performance de Velasquez qui a complètement dominé Rothwell. Mais en temps, pour les amateurs, c'est décevant. Surtout quand on voit ça d'un arbitre que c'est pas sa première erreur. Et Dana White même a déjà critiqué en public et tout. Alors, c'est plate pour Ben Rothwell. Mais d'une autre façon, on s'en parlait avant. Comme tu disais, Mazzagatti a peut-être sauvé beaucoup de dommages à Rothwell parce que Velasquez le dominait complètement. Et ça a été une victoire facile pour un jeune prospect qui continue de monter chez les poids lourds. Puis il va falloir bientôt parler de lui pour une chance au championnat, que ce soit Lesnar ou Carwin ou Nogueira. Là, on va voir. C'est les quatre noms avec Velasquez. C'est les quatre noms, je pense, que en ce moment sont au top de l'UFC là, chez les poids lourds. Oui, quelle domination, Velasquez, avec sa lutte, puis des coups qui devaient faire très mal. Alors, bravo pour Velasquez, pour Mazzagatti. Bon, évidemment, ça prend pas un génie pour comprendre qu'on n'arrête pas le combat quand le gars est en train de se relever, là, parce que quand un gars est ébranlé, évidemment, il y a plus de chances qu'il tombe. Là. S'il est en train de se relever, c'est qu'il n'est pas en danger. Une erreur de Mazzagatti, c'est pas grave. Rothwell va pouvoir conserver toutes ses dents et revenir un peu plus rapidement. Parce que si Mazzagatti aurait laissé poursuivre le combat et que le combat aurait poursuivi sur la même veine, bien Rothwell en aurait mangé toute une déjà qu'au premier engagement. Là, je voyais ça. Il y a certains juges qui donnaient des cartes de 10-8, 17, je pense, parce que Rothwell en a mangé vraiment toute une. Là. Et puis Velasquez... il s'est amusé avec le corps de Rothwell. Takedown si après takedown, c'était beau à voir. C'est ça, de gauche à droite, vraiment, là, à 6 pieds 5, 265 livres, là. Je pensais pas que Rothwell pouvait être bardassé comme ça. Velasquez l'a fait. Maintenant, est-ce qu'il est prêt pour un autre gros bonhomme, encore plus gros que Big Ben Rothwell, soit Brock Lesnar? J'ai bien hâte de voir ça, parce que Velasquez, là, moi, j'aime bien ce gars-là, beaucoup de talent, puis encore une fois, hier, on a montré de très belles choses. Oui, puis moi, j'aime aussi son attitude. C'est un gars qui semble concentré sur ce qu'il a à faire. J'ai pas le focus en anglais, ils vont dire. Il sait qu'est-ce qu'il veut. Il a un plan de carrière, il suit. Il n'y a pas rien qui va le dérouter, on dirait. Il a une concentration là, dure. Alors, j'aime beaucoup Velasquez. Vraiment dédié à sa tâche, puis il n'y a rien vraiment pour l'éloigner de son plan de match. C'est l'impression qu'on a lorsqu'on entend Velasquez dans l'entrevue. Je me souviens, je pense, d'un combat. Je me souviens du combat, mais je me souviens plus du nom de son opposant. Mais il avait gagné par KO, TKO, je ne sais plus à quelle ronde. Mais Velasquez, ça lui avait pas suffi. Il avait été déçu un peu de ce combat-là, même s'il avait remporté le combat facilement. Il aurait voulu, à ce moment-là, terminer le combat un peu plus tôt. Alors, ça démontre vraiment, le gars, il veut s'améliorer après chaque combat. C'était face à Denis Stojnik, le combat dont je vous parle, où il avait réussi à mettre fin au combat à 2 minutes 34 du deuxième engagement. Mais à ce moment-là, il avait souhaité terminer le combat un peu plus tôt. Par la suite, maintenant, parlons d'un affrontement dans la catégorie des 155 livres. Gleison Thibault affrontait Josh Neer. Ça s'est terminé en la faveur du Brésilien, soit Gleison Thibault, qui a remporté un combat par décision unanime, 30-27, 30-27, 29-28, c'est la décision des juges. Oui, Gleison Thibault, pour te faire plaisir, mon Ken. Ouais. Gleison Thibault est sorti très fort au premier round. Moi, j'ai été impressionné. Comme je disais, en avant-combat aussi, j'aime bien que Thibault, c'est un combattant assez fort, à 155 livres, il est fait fort, musclé. Il n'a pas réussi à faire le poids, mais Neer non plus. Alors, c'était juste par une livre, c'est peut-être pas majeur. Mais Gleison Thibault au premier round a été très, très impressionnant. Malheureusement, au deuxième et troisième round, il m'a pas autant impressionné. Je pense qu'il a quand même remporté ces rounds-là. Mais il reculait beaucoup, puis il attendait juste l'opportunité pour le takedown. Il semblait qu'il manquait de gaz. Alors, le deuxième et troisième round m'a déçu un peu de sa part. Mais une très belle performance de Gleison Thibault. Par la suite, Joe Stevenson affrontait Spencer Fisher. Et Joe Stevenson, c'était son deuxième combat avec le camp de Greg Jackson du Nouveau-Mexique. Et c'est fut une deuxième victoire puisqu'il remporte son combat. Ça, c'est réglé, ça, au deuxième engagement, 4 minutes 03. Stevenson a amené le combat au sol, a réussi à immobiliser Fischer, qui ne parvenait plus à se protéger. Puis là, Stevenson y est allé à grands coups de coude d'en face. Et puis, Spencer Fischer n'a pas eu le choix de taper à l'aide de son pied, parce qu'il n'y avait plus de bras dont il avait la maîtrise pour pouvoir taper. Alors, par abandon, victoire, Joe Stevenson, qui réussit à soumettre Fischer pour là, sa première fois dans sa carrière. Fischer qui maintenant a 5 défaites, mais c'était sa première par voie de soumission. Oui, la position dans laquelle Fischer s'est retrouvé, à chaque fois que je vois ça, là, ça, je me dis comment qu'un gars peut sortir de cette position-là, parce que c'est pas très facile, là, les deux bras coincés et tout, et t'es complètement à la merci de ton opposant. Joe Stevenson a été très impressionnant, et moi, j'aime beaucoup Stevenson dans ses deux derniers combats, puis par coïncidence, sûrement, ou peut-être pas, c'est deux combats où que Greg Jackson est son entraîneur, et on s'en est parlé, toi puis moi. Diego Sanchez avait mentionné quand il avait affronté Stevenson que ce dernier il était pas avait pas évolué, c'était toujours le même vieux Joe Stevenson qu'on voyait avec des bonnes mains puis un bon sol, mais avait pas évolué ses aptitudes. Mais dans ses deux derniers combats contre Nate Diaz puis contre Fischer hier, on a vu un Joe Stevenson différent, moi je pense, puis j'aime beaucoup ce que je vois de Joe Stevenson, je vais être honnête. Allô? Ken? Oui, ah oui. Excuse-moi. Toujours là, Fred. Alors, oui, Joe, c'est prometteur, là. Va chercher une deuxième victoire consécutive. La précédente, c'était face à Nate Diaz. Avant ça, ben, avait subi 2 défaites face à Kenny Florian et Diego Sanchez. Mais là, il est encore tout jeune, à 27 ans. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience déjà. Mais là, c'est joint avec un camp peut-être un des meilleurs camps professionnels, le camp de Greg Jackson, avec tous les combattants que vous connaissez, la Georges Saint-Pierre, Rachel Evans, Keith Jardine, Nate Marquardt, là, et combien d'autres maintenant. Et dans le cas de Spencer Fischer, ben, c'est sa première défaite, plus dans ses 3 derniers combats, puisqu'il avait remporté dans le UFC successivement des victoires face à Jeremy Stevens, Shannon Gogarty et le japonais Carol Uno. Par la suite, continuons avec le reste de la carte. On est rendu maintenant à Anthony Johnson qui affrontait le japonais Yoshioki Yoshida, qui lui aussi s'entraîne avec Greg Jackson, mais ça a été un peu moins efficace dans son cas. 41 secondes, le nettoyage était fait. Johnson a pulvérisé Yoshida, qui en a mangé toute une. Et Anthony Johnson poursuit sur sa lancée victorieuse. Lui qui, bon, n'a pas réussi à faire le poids, mais s'il réussit, s'il parvient à pouvoir garder son poids à 170 livres, ce sera peut-être un adversaire éventuel à Georges Saint-Pierre. Oui, ben moi, ça fait souvent j'en parle. J'ai de la misère à croire que Anthony Johnson va réussir à combattre à 170 toute sa carrière. Et même tout court, je pense qu'il devrait commencer à considérer de monter peut-être à 185. J'ai vu le combat de deux façons. D'un point de vue d'Anthony Johnson, oui, il a été très impressionnant et tout, mais comme je dis, le poids, la différence de poids avec Yoshida donne un mauvais goût dans la bouche pour moi, en tout cas. Il me semble que c'est un combat injuste pour le japonais qui donnait beaucoup de poids. Et ça donne un combat qui nous laisse un peu perplexes, qu'on peut pas vraiment se fier avec le résultat, je pense. C'est ça qui est décevant dans tout ça. Ouais. Oh oui, oh oui, je suis un peu d'accord, mais malgré qu'à un moment donné, le poids, c'est, je veux dire, on a vu Randy Couture, là, 46 ans, 45 ans, là, je pense à l'époque, affronter Brock Lesnar, puis il devait y concéder 50-60 livres. Là. C'était encore beaucoup plus marqué, puis Couture avait mieux paru que ce que Yoshida nous a fait hier. Yoshida, pas que je l'aime pas, mais là, ça fait 2 défaites en ses 3 derniers combats. L'autre défaite, c'est face à Josh Koscheck, puis encore une fois, debout, avait démontré quelques lacunes, puis en avait mangé toute une, avait reçu la droite de Koscheck, puis c'était bye-bye pour Yoshida. Oui, non, Yoshida, je pense qu'il va peut-être recevoir ses papiers cette semaine qui lui dit qu'il est libre d'aller où qu'il veut, mais aussi, à 170 livres, et c'est pas juste contre Johnson, Yoshida est petit, et comme tu dis, il a pas le meilleur stand-up, alors dans l'UFC, du moins, il n'y a pas beaucoup d'avenir. Ça, c'est officiel pour lui. Peut-être à 155 livres s'il réussirait à descendre, mais encore là, comme tu dis, il n'y a pas les aptitudes debout. Et à 155 livres, il y a des très bons combattants, que ce soit Sanchez, BJ Penn, Florian. Yoshida pourrait se retrouver knocké aussi vite dans cette division-là. Oui, puis Johnson, écoutez, 6 pieds et 2, ça c'est 2-3 pouces de plus que Georges St-Pierre, puis il est plus large que Georges St-Pierre. Effectivement, on peut se demander comment il fait pour couper à 170. Bon, ben, hier il l'a pas fait, là, de répondre à notre question, mais s'il parvient, j'espère qu'il va réussir. Il faut faire de quoi, parce que là, ça nous prend des adversaires à Georges St-Pierre. Là, à un moment donné, Georges, là, il va être obligé de faire un deuxième tour de la catégorie, puis un troisième. Là, j'ai hâte là, qu'il y ait un vrai 170 livres qui puisse... Parce que là, à l'heure actuelle, c'est qui le prochain adversaire de Georges? Est-ce que ça va être Darren Hardy? Est-ce que ça va être Mike Swick? Dans les deux cas, je pense qu'ils n'ont aucune chance. Mais Anthony Johnson, 2-3 autres combats d'expérience. Puis, il me semble, au moins, on aurait un combat peut-être... on aurait au moins un combat, parce que sinon, Georges là, a nettoyé toute la catégorie. Oui, et Johnson, une autre chose, je voudrais dire, c'est... je te l'ai mentionné hier, pour moi, Johnson est plus imposant physiquement que Mauricio Rua, qui lui combat deux catégories de poids plus haut. Alors, Johnson est très, très gros physiquement. C'est vraiment impressionnant qu'il réussisse à perdre 50 livres. Ben, disons, il en a perdu 44, là, mais c'est une grosse déshydratation qu'il fait. On dit souvent aussi que ça enlève de l'énergie. Alors, dans un combat contre Saint-Pierre, ça pourrait y jouer un tour, parce que Saint-Pierre est bon pour drainer, allonger un combat, puis prendre avantage dans les rounds plus loin. Alors, c'est sûr, c'est un duel super intéressant, Saint-Pierre-Johnson, dans le futur, je peux bien voir ça arriver, moi aussi. Ouh! Maintenant, sur Spike TV, on va vous présenter deux combats. On va vous parler de l'un d'eux. Pour l'instant, c'était Ryan Bader face à Rick Sheffer. Bader, maintenant, une fiche de 10-0, puisque, oui, vous l'aurez compris, il a remporté son combat face à Rick Sheffer. Une décision unanime. Tout le monde donne la victoire à M. Bader. 30-27, 29-26, 30-27, ça, c'est la décision des trois juges. Bader a dominé avec une main arrière très lourde. Qui a ébranlé à deux occasions sa main arrière, a touché Sheffer, puis à chaque fois, Bader est devenu à un cheveu près de terminer le combat au sol, mais Sheffer a démontré beaucoup d'expérience au sol, des belles techniques en grappling, a tenté quelques soumissions, rien qui a abouti, mais je pense qu'il y a un omoplata entre autres. À un moment donné, là, il s'en serait fallu de peu pour que Sheffer réussisse à placer une soumission, puis aller renverser la vapeur, puis remporter le combat. Mais sinon, Bader avait une main arrière beaucoup trop lourde pour les échanges debout avec Eric Sheffer, qui a démontré quelques lacunes en position debout. Oui, Bader a été très impressionnant, surtout au premier round. Mais dans le deuxième et troisième round, il a aussi été fort et dominé son opposant. Il a eu les meilleurs moments des rounds, mais a manqué de gaz. Et c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il améliore, Ryan Bader. Il est très musclé, il est imposant, a des grosses mains solides, pesantes, mais contre l'élite... son manque de cardio va lui faire mal parce que au deuxième, troisième round, il réussira pas à prendre avantage d'un opposant expérimenté comme qu'il a fait contre Sheffer. Oui, puis avant ça, sur Spike TV, on vous présentait un autre combat, le combat de la soirée. C'est, oui, on a décerné le combat de la soirée aux deux pugilistes Ardunk Barry, deux gars qui aiment échanger debout. Les deux se sont entraînés un moment ou un autre avec Ernesto Hoost, la légende vivante du K1. Les deux même ont déjà été partenaires à un certain moment donné également. À Lounge, si je crois bien. On s'est entraînés ensemble. Les deux se connaissaient bien. Ça donnait droit à des belles échanges. Un premier round bien partagé. Deuxième engagement où Barry a réussi à ébranler et je pense à créer une peur, une crainte dans l'esprit d'Ardunk. C'est comme ça qu'il est allé chercher sa victoire avec ses mains. Donc ça s'est peut-être pas déroulé comme je soupçonnais que ça allait se dérouler hier dans notre émission spéciale. Mais Barry est allé chercher la victoire grâce à ses mains, grâce à son courage, dans un combat qui a été spectaculaire. Oui, ben tu disais que c'était le combat de la soirée. Moi, j'ai écouté le gala avec une couple d'amis ici. Et pour nous autres aussi, ça a été le combat de la soirée. Surtout le second round, quand Barry s'est mis à baisser les mains puis à dire à son opposant comme de s'approcher. Puis là, il envoyait des belles combinaisons. Tous mes amis ici, on était devant la TV à regarder, puis on était bien ben emballé par l'action qu'il y avait devant nous là. Alors Barry, c'est un combattant intéressant, je trouve. Je sais que il a pas les aptitudes, puis il a pas le physique non plus pour compétitionner avec un Brock Lesnar, mais dans le MMA souvent on va avoir des combats où ce que les match-ups, les aptitudes des deux gars vont nous donner un spectacle intéressant. Alors Barry, moi j'aime ça le voir. On parlait un peu tantôt, puis je disais un combat contre Paul Buentello ou un combat contre un bon striker, ça peut être intéressant, ou même un Czech Congo. Congo est supérieur à Barry, je pense, mais ça peut quand même nous donner un spectacle intéressant. Oui, oui, oui. Mais effectivement, je pense pas qu'il est désigné pour avoir des gros combats très d'importance, là. Je pense pas qu'il y a le potentiel pour. Mais c'est du bon stock, là. Des outils intéressants. Debout, il est intéressant, il est spectaculaire, un petit trapu, il frappe fort avec ses jambes, avec ses mains. Il a du cœur au ventre. Si ça s'en va au sol, ben là, il est dans marde inévitablement. Mais debout, il est intéressant. Face à Czech Congo, d'après moi, il se fait arracher la tête, là. Mais c'est pas grave. De toute manière, je pense pas qu'il est prêt pour Czech Congo. Czech Congo, maintenant, là, il est implanté dans les meilleurs au UFC, dans les poids lourds. Mais face à un Paul Buentello, ouais, ça, dans ma tête, je vois bien ce combat-là arriver. Ce serait intéressant de voir ça. Oui, tu disais, tu vois, il est un petit trapu, il a un côté charismatique aussi. Alors, je pense que la plupart des amateurs, disons, les vrais amateurs de MMA qui vont regarder tous les gars-là, vont avoir Pat Barry dans leur cœur un peu, si on veut. Alors, quand Pat Barry va être là, les vrais amateurs de MMA vont être contents de voir Pat Barry. Alors, c'est un combattant intéressant, puis c'est bon. Oui, c'est ça. Tu sais, la vie est pas toujours juste. C'est pas toujours les meilleurs qui font le plus d'argent. C'est pas toujours les meilleurs qui sont signés dans les grosses organisations, dans l'UFC tout le temps. Hein? Des fois, on en prend un parce qu'il est plus charismatique, plus spectaculaire. C'est comme ça la vie. Il faut jouer avec les outils que t'as. Puis Patrick Barry, je pense pas que c'est le gars le plus talentueux en MMA. Puis, par contre, il est charismatique, il est intéressant, il a du cœur au ventre, il échange bien debout, spectaculaire, mais il est très limité. Je pense pas jamais qu'on va voir Patrick Barry dans le top 10 de n'importe quelle organisation de MMA, là, crédible, en tous les cas. Fred, est-ce qu'on finit un peu plus rapidement pour les autres combats? Ouais, peut-être juste passer un peu sur Yushin Okami qui a perdu contre Chael Sonnen. Il a perdu par décision unanime. Okami, qui était... Plusieurs le plaçaient dans les meilleurs à 185 livres. Et il y a un an environ, on parlait de lui comme opposant potentiel à Anderson Silva. Je pense que là, sa défaite va enlever son nom de cette discussion-là, puis c'est un peu bon. Moi, je suis content. C'est plate pour lui, si on veut, mais je suis content parce que depuis un an, on mentionne son nom, et oui, il avait affaire dans la discussion, mais en même temps, non, il avait pas affaire dans la discussion, je pense. Alors, ça claire cette histoire-là. Eh bien oui, effectivement, Larsonen va chercher une victoire, 30-27, la décision des trois juges, alors il a de contrôler, dominer même chacun des engagements, dans le cas de l'Américain Chael Sonnen. Avant ça, on avait droit à trois autres combats, Jorge Rivera affrontait Rob Kemmons, Rivera l'emporte par arrêt de l'arbitre au premier engagement à 1 minute 53, Kyle Kingsbury fait subir une deuxième défaite consécutive à Razak Alassane par décision partagée. Et le géant de 6 pieds et 11 pouces, Stefan Struve, affrontait Chase Gormley, un nouveau venu du UFC. Et Struve l'emporte par étranglement triangulaire, 4 minutes 04 du premier round. Dans le cas de Chase Gormley, maintenant c'est sa première défaite, lui qui a 6 victoires. Et je dois vous dire, il m'a vraiment pas impressionné. Au sol, notamment, trouvé très poche Chase Gormley là, que je ne connaissais pas. Et il me donne pas nécessairement envie de le connaître davantage. Ouais, ben comme je te disais, moi, c'est le combat où j'ai décidé d'aller me faire mon petit snack. J'ai vu finalement là sur YouTube la soumission de Stefan Struve, c'était beau. Stefan Struve, est, encore une fois, tu vois, dans les MMA, des fois, il y a des genres de combattants qui sont le fun à voir. Moi, il me semble vraiment pas assez fort pour être une force dans les poids lourds. Il est fait trop maigre, mais encore une fois, c'est le genre de combattant que j'aime bien regarder. Non, c'est ça. Lui, quand il va pogner un bon lutteur, là, se trouve, ben, il est tellement grand, centre de gravité très haut, il va être facilement amenable au sol. Exactement. Et puis Imaginez un peu ce que Velasquez a fait avec Rothwell, ce qu'il ferait avec un Stephen Struve, là, ça pourrait être souplesse après souplesse. non, ça serait vraiment pas beau, là. Honnêtement, là, d'après moi, non, Struve s'en sortirait peut-être pas vivant, mais il est encore tout jeune, seulement que 21 ans. Alors, beaucoup de, encore de chances de s'améliorer dans tous les aspects de son jeu. Puis là, mais il a quand même remporté un combat, là, puis ça lui en fait un deuxième dans le UFC, parce qu'il avait vaincu dernièrement Denis Dojnak par étranglement arrière. D'ailleurs, c'est sa 14e victoire par soumission. Il en a. Hey, c'est incroyable, je regarde ça, là. J'avais pas pensé tant que ça. Mais le gars, là, a 21 ans, puis en MMA professionnel, a une fiche de 18 et 3. Ouais, ça fait beaucoup de combats. Excuse, il vient de où, je trouve? J'ai pas ça en tête. C'est un Hollandais. Hollandais, oui. Ah, ben, on dirait, moi, tu vois, j'ai pas beaucoup le. Je dois admettre que d'un point de vue européen, j'ai des lacunes dans les connaissances, là, mais on dirait qu'en Hollande, ils ont une très solide base de combattants, que ce soit avec les Overeem et tous les autres, Anthony Hardank et tout. Alors, on dirait qu'il y a une belle histoire de combattants en Hollande. Les meilleurs combattants debout sont hollandais, là, présentement. Rémi Bojarski, Sammy Shield, Ernesto Hoost, on a vu Stéphane Struve, sa force apparemment, c'est pas debout, là. Il y a 14 de ses 18 victoires par soumission. Puis bon, debout, jamais rien démontré, là, mais c'est quand même impressionnant. Puis effectivement, dans le coin des Pays-Bas, il se fait des frappeurs assez impressionnants. Alors, ce US, je me souviens pas si j'ai donné ces chiffres-là. Je suis un petit peu mêlé, là. J'espère que je me répéterai pas. Mais bon, ce UFC-là a assemblé 16 000 personnes dans l'amphithéâtre de Los Angeles pour générer des revenus à la billetterie de 1,9 million de dollars, ce qui est pas nécessairement énorme, puisqu'au UFC 60, qui avait lieu au même endroit, dans un combat final qui proposait Matthew Dara Royce Gracie, c'était en 2006, on avait été chercher 2,9 millions à la billetterie. Alors, c'est 1 million de moins pour cet événement-là. Bien évidemment, bon, il y a la crise économique peut-être. Puis en plus, bon, c'était deux Brésiliens en combat final, pas nécessairement les plus aimés du public américain. Et bon, dernièrement, le UFC 103 qui a eu lieu à Dallas, on était dans un combat final entre Rich Franklin et Vitor Belfort. On avait amassé 2,4 millions de dollars. C'est quand même déjà beaucoup mieux que celui qui s'est déroulé hier soir. Mais à Las Vegas, UFC 100, là, on avait été chercher la grosse manne, 5,1 millions de dollars pour le UFC 100. À Montréal, 4,9 millions en 2009 et 5,1 en 2008. Alors à Montréal également, beaucoup de succès au point de vue monétaire. Oui, tu mentionnes la crise économique. La Californie est plus affectée que certains autres États aussi. Ça va pas très bien pour eux là-bas. Alors, c'est sûr que ça a fait du mal. Il me semble, j'ai écrit les chiffres la semaine passée avant le gala, que Dana White avait donné 3 000 ou 3 500 billets aussi gratuitement parmi les 19 000, t'as dit, qui étaient là hier? 16 000. Alors, il y a 3 000 billets là-dessus qui étaient donnés gratuitement aussi. Oui, mais ça, je pense pas que ce soit si inhabituel que ça, parce que je regarde dans UFC 60, il y avait 14 765 spectateurs dans l'amphithéâtre, puis il y en avait seulement 10 347 qui avaient payé pour. Là, Ah, OK. Parce que il y avait eu des articles à cet effet-là cette semaine, là. C'est pour ça que j'en avais mentionné moi aussi. Je sais pas c'est quoi l'habitude généralement des billets gratuits. Je sais que j'en ai jamais reçu de la part de Dana White. Dana, tu pourrais bien m'en envoyer. Mais je pense que c'est surtout peut-être, là, je voudrais pas me tromper, mais le prix par billet là, qui a vraiment descendu, là, c'est pour ça qu'on n'a pas fait beaucoup d'argent tant que ça. Et en même temps, les billets qu'on a donnés, puis la moyenne du prix sur les billets vendus, ça a sûrement affecté les revenus du UFC, mais de toutes les manières, je m'en fous pas mal. Moi, ce que je veux voir, c'est des bagarres dans l'octogone. On en a eu droit, quelques décisions controversées, rien de trop majeur. En tout cas, pour moi, des bons combats sans plus. Puis pour finir, le combat de la soirée a été décerné à Anthony Hardank face à Patrick Barry. Le KO de la soirée, Patrick Barry. La soumission de la soirée, Stéphane Struve. Chacun des noms que je viens de mentionner récolte 60 000 $. Donc, vous aurez compris, étant donné que Patrick Barry se retrouve à deux endroits, mais lui, il va chercher deux fois 60 000 $, alors 120 000 $ qu'il va rajouter à sa bourse. On ne sait pas encore c'était combien, mais ça ne devait pas être grand-chose. Alors, 120 000 $ pour lui, ça se prend très bien. Moi, je vais faire une prédiction qu'il y a eu 8 fois plus en bonus qu'en bourse. Oui, probablement. On aura probablement nos chiffres là dans notre prochaine émission. Ça conclut pour ce bloc-là. Mais peut-être avant de conclure sur ce bloc-là, est-ce que tu veux qu'on parle déjà du classement de paris virtuels? C'était la première semaine de ce paris virtuel-là. Comment tout ça s'est déroulé, Fred? Ah, ça a été super, puis je remercie tout le monde qui a participé, je suis bien content. Moi, je vais être honnête, je m'amuse super gros avec ça. Ça, c'est mon petit côté, si on veut, de nerd. je me suis amusé à programmer ce programme-là. Et en ce moment, c'est Chi-Chi qui mène avec 1290 crédits. Il a connu un gros UFC 104. Il y a Oualid en deuxième et Sébastien 9555 en troisième. Alors, Ken, je pense que t'es un petit peu loin, toi. 18e, ça se peut-tu? Ouais, non, mais en fait, j'ai utilisé le pseudonyme Chichi. Ah, ok. non, malheureusement. Non, Ken est 18e. J'en veux beaucoup là, à ma voyante que je paie grassement, qui m'avait suggéré de mettre des crédits sur Yoshiyuki Yoshida. Et non, ça aurait été ça aurait été payant, mais malheureusement, Yoshida, ça a pas duré long, là. Il a même pas fait une minute. Et il m'a fait perdre beaucoup de crédits, malheureusement. Mais je suis quand même 18e. Et c'est parce que également, j'ai misé sur des combats du Strike Force. Alors en réalité, là, j'aurais 1010 crédits. Oui, faut que je vais faire un second classement qui va considérer ça aussi au cours des prochains jours. Là. Puis j'ai aussi plein d'autres idées à rajouter. C'est juste un manque de temps des fois. Mais pour mentionner le prochain gala Strike Force que tu disais, là, il y a pas beaucoup de monde qui donne des chances à Brett Rogers et à Sokuju, surtout, je dirais. Puis avec des cotes de 9 fois la mise puis 10 fois la mise, peut-être une dizaine de crédits seulement sur Rogers, ça peut être payant, ou sur Sokuju, là. Oui, ben, j'invite les gens à s'inscrire encore en grand nombre à ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de plaisir à prévoir. Même, bon, c'est surprenant, là, je suis pas encore premier, mais c'est assez évident que dans les prochaines semaines, je vais me hisser en haut du tableau. Mais là, moi, j'aime ça commencer tranquillement. On n'a pas d'inquiétude. On va faire plaisir à des gars comme Chichi, leur donner un peu d'espoir. Mais rapidement, au fil des événements, je vais rapidement me retrouver en haut du peloton. Ça, c'est certain. Je vous le garantis. Et je vois quand même, là, il y a deux garçons, ou des filles, je sais pas. Deux phénomènes qui ont réussi quand même à tout perdre leur crédit déjà. Ça va pas bien dans leur cas. Oui, je me demande bien. J'ai pas eu le temps de regarder, mais comme je dis, je vais sortir tellement plus de statistiques. Pour le moment, je me suis dit, je vais garder les paris inconnus du monde jusqu'à temps qu'ils arrivent. Mais une fois qu'ils sont finalisés, là, je vais faire une place où ce qu'on va pouvoir voir qui a parié combien sur qui. Et ça va être intéressant. Moi, je m'amuse en tout cas. Oui, puis gênez-vous pas pour inscrire des noms qui ont du sens, là, ce serait intéressant. J'en vois un, le mange mes couilles, qui est en 9e position, là, un peu farfelu. Alors, si vous vous retrouvez un jour en haut du peloton, ça va être gênant pour nous de mentionner votre nom. Mais félicitations quand même à mange mes couilles, qui joue pour 500. Je dirais, reste avec le même nombre de crédits. Oui, et je suis le meilleur et juste le 9e meilleur. Ah, je pensais que t'allais dire que t'étais mange mes couilles. Non. Je sais pas c'est qui. Je peux savoir c'est qui, à vrai dire, avec les emails qui s'inscrivent, là, mais non, je sais pas c'est qui a choisi ce nom-là, mais je crois pas dans la censure. Alors, tant que vous incitez pas à la violence, il n'y a pas de problème. Non, c'est ça. Mais mange mes couilles, c'est quand même un peu violent quand on prend ça au sens littéral. Mais en tous les cas, Chichi, on te félicite, mais tu resteras pas là longtemps. Et là-dessus, ça termine ce bloc-là, UFC 104. Et on va on revient évidemment dans les prochains instants pour vous parler du Dream, un événement qui a eu lieu au Japon. Puis on aura beaucoup de plaisir. Mais avant ça, je vais vous parler, avant de conclure sur ce bloc-là, des prochains événements du UFC, parce que le mois de novembre sera un peu plus chargé. On revient le 14 novembre et on aura probablement à ce moment-là une autre émission spéciale on va essayer de faire en sorte que ça se déroule un peu mieux. Le 14 novembre, le UFC 105, Randy Couture face à Brandon Vera. Ça aura lieu, ça, en Angleterre. Mike Sweet face à Dan Hardy. Michael The Count Bisping face à Dennis Kane. Bisping, c'est son retour depuis la raclée que Dan Anderson lui a infligée. Dennis Kane, c'est un Canadien. On a hâte de voir ça. Lors de cette même carte-là, il n'y a pas... c'est les combats de sous-carte qui sont un petit peu moins intéressants, là. Mais Couture verra. Pour moi, c'est assez intéressant. Parce que Couture, on a toujours hâte de le voir. Sweet et Hardy, ça peut donner droit à des bons échanges debout. Bisping face à Dennis Kane également. Pour le reste de la carte, pour moi, ça ne m'emballe pas trop. Non, c'est UFC, pas... c'est pas la plus grosse carte, mais je voudrais juste mentionner une chose là-dessus, c'est que la carte ici en Amérique, du moins, est présentée en différé, malheureusement, à Spike TV, mais pour ceux qui ont Sportsnet, souvent Sportsnet va la présenter en direct parce que le gars-là est en Angleterre et je pense que ça équivaut à 3 heures de l'après-midi pour nous en direct. Et Sportsnet présente normalement les gars-là qui sont sur Spike TV. Et il est présent en direct quand ils sont en Europe. Oh, ben merci Fred, j'ignorais tout ça. Effectivement, là, on va revenir pour savoir s'il y aura une émission spéciale ou pas à ce moment-là. Le 21 novembre, une semaine après, le UFC 106, là c'est du lourd. Hein? Brock Lesnar face à Shane Carwin, Tito Ortiz face à Forrest Griffin, Caro Parisienne face à Dustin Nazalet. J'ai bien hâte de voir cet affrontement-là, j'aime bien. Caro Parisienne, son style de judo bien adapté pour le MMA. Amir Sadollah face à Phil Baroni. Baroni, c'est pas le meilleur, mais d'habitude, c'est des combats excitants qu'il nous donne. C'est des échanges. Charismatique encore. Ça revient au fait que des fois, il c'est pas le plus important de. Parce que Baroni a très mal paru, selon moi, dans son dernier combat contre Joe Riggs. Joe Riggs, qui est pas le meilleur au monde, m'a impressionné dans ce combat-là contre Baroni. S'il y a un gars. Comme Riggs aurait plus eu d'arguments pour se retrouver dans l'UFC que Baroni si on se fie juste aux aptitudes, mais Baroni a l'aspect qui vend, que le monde aime, le spectacle et tout. Oui, puis des combats comme ça en milieu de carte, c'est intéressant parce que Baroni, il n'y a pas vraiment une bonne défensive, hein? Puis même il n'y en a pas. Fait qu'il échange coup pour coup, puis ça a le droit à du bon spectacle. Moi, je vais être honnête, sauf que ça me fait penser, ce que je préfère de Baroni, c'est de le voir dans le coin de Mark Coleman. Vous remarquerez la prochaine fois que Coleman combat, Baroni est un des plus comiques motivateurs qu'il n'y a pas dans un coin de combat. Ah, quelle équipe bizarre hein, que la Hammer House avec Coleman, Baroni, Wes Sims, Kevin Randleman. Des gars plutôt louches. Lors de la même carte, Ben Saunders face à Marcus Davis, Kendall Grove face à Jake Rushold. Ça également, ça m'intéresse. Là, cette carte-là sera beaucoup plus intéressante en profondeur. Il y a également Antonio Ruggiero Nogueira, le 205 livres, qui va affronter Louis Arthur Cain. C'est son premier combat de Nogueira dans le UFC. Ça aussi, ça m'intéresse. C'est peut-être le 205 livres qui sera le meilleur au sol du UFC. Kaol Uno va être là également. Alors vraiment, le UFC 106 sera très intéressant. Oui, et juste une petite mention sur l'UFC 107. Thiago Alves contre John Fitch qui a été annoncé. Et ça va être vraiment aussi un excellent combat. Que moi, dépendamment de comment que ces deux-là performent, ils sont plus impressionnants que Swick ou Hardy. Et Swick Hardy contre Georges St-Pierre, ben je m'excuse, là, c'est pas non plus très intéressant. Non, d'ailleurs, je pense que Georges St-Pierre pourrait les battre les deux en même temps. Je suis d'accord avec toi. Fitch et Alves sont beaucoup plus aptes à pouvoir vraiment disputer des combats plus intéressants face à Georges. Et voyons voir, parce qu'évidemment, John Fitch va affronter Alves suite à la blessure d'Almeida qui va l'empêcher d'affronter John Fitch. Et ça va être un combat intéressant, ça. Et ça conclut ce premier bloc-là de l'émission La Voix. C'est quoi notre nom d'émission, ça? La voix des guerriers. Je m'excuse, je suis un peu mêlé ce matin. Alors, vous écoutez La Voix des guerriers. On prend notre souffle, on remet nos idées en place. Et dans quelques secondes, on parle du Dream. Thank you. 25 novembre, on vient de vous parler en long et en large du UFC 104, et là, on va vous parler d'un autre événement qui s'est déroulé, s'est déroulé le 25 octobre au Japon, de l'organisation Dream, Dream 12 plus précisément. On va vous parler de quelques combats qui vont vous intéresser davantage, parce qu'il y a peut-être d'autres combats qui sont un peu moins intéressants. D'abord, le combat principal opposait Alistair Overeem face à James Thompson. Overeem, c'est un autre gars qui vient des Pays-Bas. Redoutable debout, des genoux sautés, puis toute l'affaire, les mains. Puis il est rendu gros, là. Je voyais ça à la pesée, je pense. Il a frôlé les 250 livres, je pense, Overeem. Je ne sais pas ce qu'il met dans ses céréales, mais c'est du bon stock, hein, Overeem. Céréales ou seringues? Ouais, peut-être qu'est-ce qu'il met dans ça. Ouais, effectivement, c'est assez particulier. Mais en tous les cas, ça va bien pour lui. T'es allé chercher une victoire en 33 secondes. C'était réglé face à James Thompson. Mais honnêtement, James Thompson, là, c'est un genre. J'aime pas. Bah, c'est un pas bon. Là. C'est un gars bien ordinaire. Mais je sais pas pourquoi les gens l'apprécient tant que ça. Il n'a jamais vraiment donné de performance remarquable. Et là, en 33 secondes, hier, il s'est fait soumettre par voie de guillotine. Ça lui fait 5 défaites consécutives dans le cas de James Thompson face à Alistair Overeem, face à Jim York, face à Kimbo Slice. Là, par contre, face à Kimbo Slice, là, je pense qu'il y avait une décision peut-être étrange. Là, à la fin du deuxième round, si je ne me trompe pas, on aurait dû arrêter le combat parce que Kimbo a eu toute la misère du monde à se relever, puis au sol, avait reçu beaucoup de coups de poing. Mais bon, par la suite, Kimbo, après, au troisième, est revenu en force puis avait remporté le combat. Avant ça, également, Thompson avait perdu face à Brett Rogers de manière expéditive et face à Neil Groove. Alors, ça va pas bien pour James Thompson, mais on lui donne tout le temps la chance d'être dans des promotions, des organisations assez intéressantes, puis dans des combats assez importants également. C'est un peu étrange, mais bon. Et dans le cas d'Alistair Overeem, là, il est prêt, puis j'ai hâte qu'on le revoie dans l'organisation Strike Force, dans un combat de championnat, peut-être face à Fyodor ou bien Brett Rogers. Qui sait, on va voir qui remportera ce duel entre Rogers et Emelianenko. Ouais, ben tu vois, Thompson, on parlait tantôt de combattants avec un aspect charismatique. Moi, personnellement, non plus, je l'aime vraiment pas. Là, il y a absolument rien qui m'intéresse chez eux. Mais à chacun ses goûts. Là, les amateurs semblent être contents de le revoir à chaque fois. Alors, on risque encore de le revoir dans pas des combats, si on veut, majeurs, mais contre des noms assez reconnus, là, parce que lui-même a une certaine personnalité, si on veut, dans le milieu, là. Ouais. Moi, si je veux le revoir, c'est peut-être ici à Montréal face à Steve Bossé. Les deux se sont affrontés dans l'organisation qui a survécu seulement qu'un événement, là, la renaissance de Stéphane Patry, c'était Titan Fighting. Le Strike Box qui a fallu qu'il change de nom à Titan Fighting, c'est ça? Quelque chose de même, parce que justement, Strike Force avait fait une injonction de quoi par rapport au nom. C'est exactement ça l'histoire, bien organisée l'affaire. Puis dans un combat qui était prévu en des règles en shoot. En tout cas, c'était pas en strike box, c'était pas du MMA, mais finalement, c'était tout mêlé cette histoire-là. Ça s'était fini en scandale. Et ça a causé bien des casse-têtes à Montréal. Oui, et c'est ça qui a découlé le fait peut-être que le UFC a été mis en péril. Ou peut-être pas. En tous les cas, ça avait vraiment pas bien. C'était pas bien déroulé. Mais James Thompson, on aimerait ça. Peut-être le revoir face à Steve Bossé, bien que Bossé, là, maintenant, c'est un 205 livres, là. Et puis bon, James Thompson, c'est un 250 et plus. Mais je l'ai vu là, hier dans son affrontement face à Overeem. Il a dégonflé l'ami James Thompson. Il a plus la musculature qu'il a eu. Il n'est plus en shape. Il a pas de qualité, ce gars-là, vraiment, en combattant. Je comprends pas. Il a pas des bonnes mains. C'est son intro, je pense, que le monde aime. Je sais pas, de la façon qu'il se motive. Comme je dis, il y a certains combattants. Faut pas enlever le côté spectacle du MMA, tu sais. Alors, c'est peut-être pas le bon parallèle à faire, mais il y a quand même un certain parallèle à faire, si on veut, avec la lutte professionnel, ou ce que le personnage a une certaine valeur, si on veut, que l'on se crée, là, que ça soit Baroni et tout ça. La vue que tu donnes aux partisans peut te créer un certain mystique, si on veut. Ouais. Et puis, bon, en parlant de Steve Bossé, il y a les auditions pour les Ultimate Fighter, là. Je pense que c'était le 26 octobre ou quelque chose dans ce coin-là. Ben, c'est dans les prochains jours. Eh bien, on me dit que Steve Bossé serait parti là-bas pour passer les auditions pour être du prochain The Ultimate Fighter. Il va se joindre peut-être à d'autres Canadiens, là, dont on a parlé dans les dernières semaines. On leur souhaite toute bonne chance. Ça serait très intéressant d'avoir une couple de Québécois là-dedans. Oui, puis Steve Bossé, honnêtement, j'étais pas un fan de lui, je suis pas encore non plus, là, mais je crois en lui, là, je pense qu'il y a du potentiel. Surtout qu'il a réussi à couper à 205 livres, là, pour moi. Puis ça semble un gars qui a une bonne shape également, des mains lourdes. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que Steve Bossé va pouvoir faire dans l'avenir. Par la suite, revenons au Dream 12. Eddie Alvarez était opposé à Katsunori Kikuno. Et c'est Eddie Alvarez qui remporte son combat. C'est une 19e victoire dans son cas. Lui qui a perdu seulement que deux combats dans sa carrière face à Shinya Aoki et Nick Thompson. Eh bien, là, il remporte le combat face au Japonais de 27 ans qui encaisse une deuxième défaite. Lui qui a 12 victoires. Alors, une belle victoire pour Alvarez qui a réglé le cas de Katsunori Kikuno par étranglement, par voie de triangle à l'aide des bras au deuxième engagement. Oui, bien, Alvarez, il y a un an environ, était considéré dans les meilleurs à 155 livres, puis il est encore dans les meilleurs. Moi, je l'ai fait reculer un petit peu parce que justement, la compétition qu'il a affrontée dans Bellator n'était pas des meilleures, selon moi. Maintenant qu'on le voit dans Dream, ça peut être intéressant, Alvarez, que ce soit des combats avec Hansen ou Aoki. On sait que Dream a une certaine association avec Strikeforce. On va pouvoir revoir Alvarez, qui est quand même un des meilleurs à 155 livres. Puis comme j'ai dit plus tôt, c'est ma division préférée de ce temps-ci. Alors, je suis bien content de le voir dans Dream. Oui. Par la suite, Marius Zaromskis s'affrontait Mian O'Bay, que je connais pas du tout. César Ramskis qui l'emporte grâce à un KO au premier engagement. Et là, le combat des combats, la légende vivante. Moi, c'est probablement mon combattant préféré qui, bon, là, je pense que son temps est dépassé, mais regardez cet affrontement-là. Kazushi Sakuraba face à Zell qui garde le cycle croate et Sakuraba, comme à la bonne vieille époque, se fait manger littéralement une bonne raclée, mais réussit in extremis à sortir une soumission comme ça. Une clé de genou, premier engagement, Sakuraba va chercher une autre victoire. Vraiment, il est fantastique, Sakuraba. Oui, une vraie légende du MMA. C'est beau à voir. Le combat en tant que tel, comme tu dis, c'était super beau à voir. J'en suis quasiment bouche bée. Je sais pas quoi dire à propos du combat. Sakuraba en tant que tel, comme on dit, c'est peut-être c'est la plus grosse star de l'histoire du MMA au Japon. Je pense que ça, c'est officiel. Il y a pas d'autre personne qui approche le statut que Sakuraba a atteint au Japon. Moi, je suis content de le revoir. On sait qu'il a mangé beaucoup de volets dans les dernières années. Puis, malheureusement, sa condition médicale, physique, est peut-être pas au sommet. Mais avec des combats, certains combats là, à aspect intéressant, si on veut, là, commercial, je suis content de revoir Sakuraba, qui est un gars que j'ai beaucoup aimé depuis ses débuts. Oui, il y a quelques jours, ben quelques semaines, une ou deux semaines, le 6 octobre, il avait affronté Robin Williams, un boxeur, là, surtout, au Dream 11, puis il l'avait remporté par soumission également. Eh bien là, il remporte le combat par soumission, Nibar face à Zell Galesic, qui lui, quand même, ce combattant d'expérience en MMA, qui avait 9 victoires et 5 défaites, eh bien là, c'est sa 6e défaite, et Sakuraba, une autre victoire par soumission. Le combat se déroule et dès le début, Sakuraba se jette sur une jambe de Galesic, réussit à amener le combat au sol. Et là, on voit bien qu'il veut tenter une clé de jambe, mais malheureusement pour Sakuraba, Galesic réussit à sortir de la position périlleuse. Et là, lui assène des coups de poing là, dangereux. Puis même l'arbitre a songé probablement arrêter le combat quelques reprises à ce moment-là. Sakuraba, qui sous les pluies de coups, reste là, agrippé à la jambe, réussit à aller chercher un toe hold, là, aller chercher les orteils de son adversaire, puis à lui plier la cheville. Et là, le Galesic n'a pas le choix d'essayer de se sortir de cette position-là. Puis dès que Sakuraba réussit à aller chercher un espace de manœuvre, et là, il sort en clé de genou, puis pas le choix, le pauvre Galesic doit taper. Belle victoire de Sakuraba, une 27e dans son cas et une 20e par voie de soumission. Sakuraba, le magicien. Oui, j'aimerais faire un parallèle entre Sakuraba et un autre vétéran en ce moment qu'on parle qui va peut-être revenir, Chuck Liddell. Quand je disais justement que je suis content de revoir Sakuraba dans certains types de combats, je dirais la même chose pour Chuck Liddell qui s'en vient. Si Chuck Liddell décide de faire un retour, je voudrais pas vraiment voir Chuck Liddell aller se battre contre Mauricio Rua ou Lyoto Machida, du moins pas tout de suite, parce que on a vu Chuck Liddell manger beaucoup de volets dans ses derniers combats, mais ramener Chuck Liddell contre un opposant, si on veut, plus de milieu de classe, et en même temps lui donner la chance de remonter au niveau qu'il était, et pas tout de suite le mettre contre un gars qui va sûrement le détruire. Alors moi, que ce soit Sakuraba ou Chuck Liddell, il y a toujours un aspect intéressant à les regarder combattre, je trouve, mais faut pas les mettre contre des gars qui sont trop au top niveau, parce que ça va juste continuer à subir des dommages, qui là va donner un argument à ceux qui disent qu'ils devraient pas combattre. Oui, je suis d'accord avec toi. Et par contre, je pense pas que Chuck Liddell, il veut affronter. S'il revient, il a pas envie d'affronter un brochet, là. Non, mais je veux dire un combat. Regarde, Tito Ortiz, là, je considère pas que Tito Ortiz est dans les meilleurs. Un combat de Chuck Liddell contre Tito Ortiz, ou même Randy Couture. Randy Couture est encore très bon, mais je veux dire, je considère pas Randy Couture au même niveau, si on veut, que Rua ou Machida ou même Rashad Evans puis Rampage. Mais là, Rampage, je suis en train de me dire qu'il perd sa forme. Alors, je voudrais pas voir justement Liddell contre un de ces quatre-là que j'ai mentionné, que ce soit Machida, Rua, Evans ou Rampage. Je me dis que c'est des combattants qui vont juste continuer à donner beaucoup de dommages à Liddell. Mais après ça, il y a beaucoup de noms intéressants quand même pour donner des bons combats. Ben, je le verrais, moi, peut-être contre Mark Coleman, mais pas contre Couture. Ils sont déjà affrontés à 3 reprises. Puis pas contre Ortiz. Là. Il l'a déjà remporté à 2 fois face à Ortiz. Puis je vois pas à quoi ça lui donnerait. Mais face à Coleman, pourquoi pas? Oui, c'est sûr. Moi, je regarde toujours aussi l'aspect de vente. Et je me dis, avec un gars comme Tito Ortiz, ça fait déjà une couple d'années qu'ils se sont pas affrontés. Tito saurait comment jeter de l'huile sur le feu. Puis ça pourrait donner quand même un à côté de combat intéressant, si on veut, là, la promotion autour. Oui, alors, ben, c'était ça pour le Dream 12. Le Dream, ça revient dans une forme différente pour le 31 décembre prochain, dans un événement appelé Dynamite, où là, on unit les forces K1 et MMA, et un événement là où il va y avoir des combats dans les deux styles de combat, K1 et MMA. On n'a pas toute la carte jusqu'à maintenant, puis on n'a presque pas la carte, mais on en a quelques-uns. Il y a la finale du tournoi Super Hulk en règle de MMA qui va se jouer. Donc la finale va se disputer entre Sokoju et Ekoizami no Wa. Il y a également Shinya Aoki qui va affronter Tatsuya Kawajiri. Et finalement, des noms qui pourraient se retrouver sur la carte. On parle de Tim Sylvia, qui pourrait être là. Hong Man Choi également. Et pourquoi pas un affrontement entre les deux géants, Sylvia et Hong Man Choi. Kyle Yamamoto pourrait être là également. Kazushi Sakuraba, et pourquoi pas. Alistair Overeem, toujours prêt. Jérôme Le Banner, le vétéran, le combattant français, probablement le plus connu, là, probablement pour un combat en K1 dans son camp. Oui, je veux juste dire, le gala Dynamite, c'est un gala à chaque année qui est super intéressant, je trouve. La seule chose qui est un peu plate cette année, c'est que Sengoku va avoir un gala la même journée. Puis j'ai un peu, je la comprends pas beaucoup celle-là parce que déjà qu'en ce moment là, le MMA au Japon commence à connaître une renaissance, oui, mais il est pas au niveau qu'il était dans les bonnes années du Pride. Et le gala Dynamite, c'est peut-être le plus gros gala de l'année au Japon. Alors, Sengoku, d'aller face à face à ça, c'est une décision pas mal bizarre, je trouve. Oui, t'as raison là, quand même. Effectivement, pourquoi pas déplacer ça d'une journée ou deux là, pour pas, tu sais, à un moment donné. Ben, c'est sûr qu'au Japon, où il y en a des petits Japonais, là, il y a de la place, il y a des Japonais en masse pour remplir plein de salles. Là. Mais, tu sais, pour les amateurs, suivre deux événements en même temps, c'est un peu dommage. Mais le Sengoku, ils vont pas avec n'importe qui non plus là. Il y a l'affrontement entre les deux Japonais médaillés d'or aux Olympiques en judo. Pas dans les mêmes années, mais quand même, Hideko Yoshida qui va être là pour affronter le nouveau venu Satoshi Ishii. Ils ont des bons noms également. Effectivement, je trouve ça dommage que les deux se produisent simultanément. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on se fait une petite pause, puis on reviendra en force ensuite pour le dernier bloc de l'émission, où on va conclure avec des nouvelles sur le plan local et international également, des petits potins ici et là qu'on a ramassés à gauche et à droite, et des choses comme ça. Alors, soyez là, de retour, une petite brève musique pour vous réveiller un peu, et on est de retour pour d'autres sujets. Vous le savez maintenant, à La Voix du Guerrier, on vous invite semaine après semaine pour parler du plus beau sport sur Terre. Et encore une fois, ça ne, on se trompe pas, on en parle de semaine après semaine et on en parle avec l'homme nouvelle lui-même, Fred Garcia, qui est toujours là. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un nouveau projet de Fred Garcia, l'homme nouvelle qui a toujours plein de projets dans la tête. Et on va vous parler encore un peu tout à l'heure de d'autres projets. Mais là, commençons avec quelque chose de tout nouveau. Fred, mais de quoi tu nous parles? Oui, ben, tu vois, Ken, j'ai rajouté dernièrement le jeu de paris virtuel. Puis, je veux remercier beaucoup les amateurs parce que on a 28 participants, là, mais sur 28 participants, ça a fait que le monde vienne d'un point de vue page vue. J'ai à peu près 300 page vue de plus par jour, juste avec depuis que j'ai mis ce petit jeu-là. Alors, ça m'a donné l'idée de créer un autre petit jeu qui s'en vient très vite. Je dirais qu'il va être prêt avant la fin de la semaine. Ça va être un jeu de questionnaire pour tester nos connaissances. Mais ce qui va être encore plus le fun là-dessus, c'est que tout le monde va pouvoir soumettre des questionnaires. Alors, n'importe qui se considère un vrai amateur de MMA puis qui voudrait tester les autres amateurs de MMAnouvelle.com, il peut soumettre un questionnaire et moi, je vais approuver le questionnaire. Vous allez voir sur le site, le processus va être simple. Vous soumettez les questions avec les choix de réponse et vous me dites quelle est la bonne réponse. Puis en même temps, vous allez juste mettre un petit lien en dessous pour me donner comme la source pour que je confirme que c'est vraiment un fait véridique que vous posez comme question. Alors, c'est un petit jeu qui va être bien intéressant parce qu'encore une fois, il va y avoir des classements rajoutés à tout ça. Et ça, puis le jeu de paris virtuel, ça m'amène à un autre projet qui, lui, va y arriver un peu, je dirais, plus dans un mois ou deux, où ce que je vais donner l'opportunité à tout le monde de se créer une page personnelle, si on veut, pour écrire ses pensées et tout. Et en même temps, vous allez pouvoir afficher ce que vous avez fait, que ce soit les questionnaires ou les paris virtuels sur votre page personnelle. Et aussi, quand vous écrivez vos pensées, mais si jamais il y a des textes vraiment bons, mais ils vont se retrouver sur la page, la première page de MMAnouvelle.com avec votre nom et tout. Ben justement, c'est ce que je recherche un peu, des textes d'opinion. Depuis quelques semaines, moi, je suis tellement impressionné par le nombre de commentaires et le détail aussi des commentaires. On voit qu'il y a des bons amateurs francophones de MMA qui connaissent leur affaire et je veux leur donner l'opportunité de partager qu'est-ce qu'ils ont à partager. On a des connaisseurs ici. Oui, alors une fois de plus, MMAnouvelle.com va, en plus de vous informer, en plus de vous divertir, maintenant, elle va vous instruire. MMAnouvelle.com, le bonheur au bout du doigt. Oh oui. Alors, un nouveau jeu questionnaire. Puis il y a toujours, là, j'invite les gens qui se sont pas encore inscrits sur le forum de discussion, ben faites-le. Parce que, bon, ça peut être intéressant de participer sur le forum, puis mettre de l'action là-dedans, mais également, ça vous ouvre les portes sur le pari virtuel création de M. Fred Garcia. C'est fabuleux, ça, puis déjà après un événement, on a bien du plaisir. Et là, il y a l'événement Strike Force qui arrive à grands pas le 7 novembre prochain. Alors, on vous invite à aller là-dessus, puis à aller mettre vos mises, et on saura bientôt qui sera le meilleur après moi. Je suis commencé lentement, mais c'est évident que je vais grimper rapidement. Mais là, je suis pas déçu parce que le premier, c'est un certain Chi-Chi. Et je vois dans les commentaires Chi-Chi à propos du combat de Machida et de Mauricio Shogun Rua. Alors, Chi-Chi, je vous lis ça. Ben voyons donc, on dirait qu'on n'a pas vu le même combat. Ça, c'est les commentaires de Chi-Chi parce que lui aussi, tout comme moi, ben moi, je donne pas nécessairement la victoire à Machida, mais lui, dans le cas de Chi-Chi, il donne la victoire à Machida. Alors, Chi-Chi, c'est mon nouvel ami. Je pensais être pas mal le seul là, ce matin à dire que Roy s'était pas fait voler, que c'était un combat très serré, qu'un combat nul aurait été correct, que c'était vraiment partagé. Mais Chi-Chi, il va encore plus loin que moi, lui, donner la victoire à Machida. Alors, Chi-Chi, mon nouvel ami. C'est bon ça, tu te fais un clan, tu vas pouvoir bientôt aussi dans ce qui s'en vient dans le jeu de paris virtuel te créer un groupe avec tous les amateurs de Machida. Oh oui, puis il y a une autre chose aussi sur MMAnouvelle.com, puis dans La Voix des Guerriers, on a parlé de ça il y a quelques temps, on va essayer d'établir un temple de la renommée des meilleurs combattants et les bâtisseurs de l'histoire du MMA. Il y en a un du UFC, mais à part de ça, t'sais, pour l'ensemble du MMA, il n'y en a pas vraiment un. Alors, nous, on s'est dit qu'on va faire ça. Alors, on vous invite, si vous voulez y participer. Entre autres, vous pouvez envoyer ça par courriel à radio, à commercial, mmnouvelle.com. On les lit tous. Vous nous envoyez de vos suggestions de combattants. On en prend encore des suggestions de combattants et de bâtisseurs de MMA. On a déjà une liste qui est assez bien établie. Je vous invite à aller voir ça sur le forum de discussion. Il y a une trolley de noms qui est là. Et là, dans les prochaines semaines, je vous invite à suivre dans la voie des guerriers et mmnouvelle.com. On va, là, on a établi 10 noms, 10 premiers noms. Alors, je vais les inscrire sur le forum de discussion sur au cours de la journée. Il s'agit de Kazushi Sakuraba, de Wanderlei Silva, Rickson Gracie, Mark Kerr, Igor Vovanchkin, Renato Sobral, Travis Fulton, Anderson Silva, Mauricio Roy, David de Tank Abbott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai-tu 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, il y a bien 10 noms. Alors, là, je vous invite au cours de la semaine à envoyer vos commentaires sur chacun d'eux. Puis, à partir de la semaine prochaine, il y aura un scrutin à faire, quelque chose de bien statistiquement, là. On aura plus de précisions à vous mentionner au cours de la semaine là-dessus. Et on va vous demander de voter là-dessus pour savoir vraiment qui parmi eux vont pouvoir continuer leur cheminement en vue d'être nommés au temple de la renommée de mmnouvelle.com. Ah, c'est merveilleux ça. Alors, si vous avez des questions là-dessus, des commentaires, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, c'est pas possible. Là. Des fois, je dis, je m'embrouille dans mon cerveau. Vous avez des suggestions, n'importe quoi, c'est sur radio à commercial, mmnouvelle.com. D'ailleurs, pour tout sujet là, concernant notre émission, c'est toujours à cette adresse-là. Et ça nous fait toujours plaisir d'avoir un retour sur ce qu'on essaie de vous offrir comme émission. Maintenant, je vous parle d'un événement qui a eu lieu hier également, en même temps que le UFC 104. Ça s'est déroulé en Alberta, plus précisément à Edmonton, un événement qui s'intitulait Aggression MMA, à laquelle participait Nick Denis. C'est un Canadien, lui, bon, qui a combattu dernièrement au Japon pour l'organisation Sengoku. Il avait perdu après 19 secondes contre Marlon Sandro. Il avait perdu par KO, mais il s'agissait à ce moment-là de sa première défaite. Et maintenant, il a une fiche de 8 victoires pour une défaite, Nick Denis, puisqu'il est allé chercher une victoire face à Jason Towns par TKO au deuxième engagement. Il y a le Québécois, c'est surtout pour ça que je vous parle de cet événement-là. Yannick Galipeau qui faisait un retour après près d'un an d'absence. Yannick Galipeau était de retour pour affronter Nick Ring. Et il faut dire que Galipeau était supposé combattre lors de l'événement de la MFL la semaine dernière au Québec. Mais son adversaire, qui était essentiellement un boxeur, n'a pas pu combattre suite à une décision de la Régie des courses et des jeux du Québec. Alors, Galipeau s'en est allé à Edmonton et puis il a perdu. Honnêtement, je connais pas son adversaire qui s'appelle Nick Ring, mais il a quand même une très belle fiche, Ring là, qui a maintenant 10 victoires contre aucune défaite. Il a battu dans le passé un gars comme Bill Mahoud, très expérimenté. Ça, c'était dans son premier combat, le Ring, en 2002. Alors, c'est un gars qui a beaucoup de bagages, puis qui semble pas piquer des verres en soumission, là. Quelques victoires par soumission à travers ça en plus pour Nick Ring, qui a 10-0, comme je vous l'ai dit précédemment. Alors que Galipeau, lui, maintenant, s'affiche à 2 victoires et 3 défaites. C'était son premier combat depuis un an, comme je l'ai dit. Et c'est sa troisième défaite également. Il y a 3 défaites, et ces 3 défaites, tous subies par soumission au premier engagement. Des lacunes au niveau du sol pour Galipeau. Évidemment, c'est un gars de karaté Kyokushin, mais au sol, il semble avoir éprouvé des problèmes. Et là, par clé de bras, à 2 minutes 30 du premier engagement, et il faut dire peut-être que ce n'était pas la meilleure confrontation pour un retour dans le cas de Yannick Galipeau. Le français, parce qu'on a beaucoup de français qui nous écoutent, on leur souhaite la bienvenue. Et des fois, je me dis, là, la France, là, vous faites les meilleurs croissants au monde. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas, mais ça me tentait. Alors, Cyril, oui, vas-y. Excuse-moi, je vais envoyer une fleur à la France qui ont sans aucun doute la meilleure hymne nationale au monde. Ah, les Russes en avaient tout un autrefois. Oui. Ah, oh, tu mentionnes l'hymne national russe. Je vais faire une parenthèse avec aucun rapport. J'invite tout le monde à aller sur YouTube et écrire hymne national russe en français. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo de l'hymne national russe phonétiquement traduit en français. C'est très, très comique. C'est quelque chose à voir. Oh, là, on sort de deux, trois parenthèses et qu'on n'est pas On est versatile, on parle de tout ici, on ce matin. parle de problèmes à l'école, on parle de stéroïdes, on n'a pas peur d'aucun sujet. Ouais, on aura tout touché vraiment. Alors, le Français Cyril Diabaté, qui a remporté son combat face à Marcus Hicks par clé de bras également. Diabaté, lui, qui est un pratiquant de Muay Thai aguerri, mais là, a surpris son adversaire par clé de bras au premier engagement. Bravo à Cyril Diabaté. Même ça m'a surpris de voir ça, qu'il a remporté le combat par clé de bras. Mais à moins là, que c'est une erreur, là, c'est vraiment Cyril Diabaté, le Français, le gars là, qui de la Snake Team avec Xavier Foppa-Pocam notamment. Et Diabaté, j'ai l'impression qu'un jour, même s'il est assez âgé, j'aimerais bien le voir dans le UFC, un gars de 6 pieds et plusieurs pouces, là, je ne voudrais pas dire n'importe quoi, mais 6 pieds 4, 6 pieds 5, un très grand, 205 livres, il a affronté Mauricio Shogun Roy dans le passé, mais debout, là, Diabaté, il est de taille pour affronter n'importe qui dans le UFC. C'est une 15e victoire dans son cas. Il a 6 défaites et un combat nul. C'est sa 4e victoire consécutive. Dans le cas de Marcus Hicks, c'est sa 18e défaite et sa 12e par voie de soumission. C'est pas mal ça pour cet événement-là. Pour les autres combats, je ne crois pas que ça vous intéresse plus que ça. Alors, c'était ça pour cet événement-là qui s'est déroulé à Edmonton. Du côté de Fred, as-tu des Oui, potins? ben, si on se transportait vers l'Ultimate Fighter de cette semaine, peut-être un peu parler vite, Oui, c'est parce que vrai, je on a le pense droit. que y a pas eu tellement d'action cette semaine. Ça a été un combat très rapide entre Schoonover. Tu vois, aussi bien que je peux dire T-Bar, j'ai beaucoup de misère avec d'autres noms. Je pense que c'est Tétine on peut l'appeler Tétine. C'est Ouais, celui c'est ça. Et j'ai pas le nom dans tête là, malheureusement, de son opposant qui était pas très bon et qui se faisait niaiser beaucoup. C'était Zach Jensen, ça se peut-tu? Il me semble que c'est ça son nom. Et en tout cas, on a eu un combat justement où ce que Schoonover a remporté facilement et a remporté avec une belle soumission, mais de la même façon, il me semble que il a de l'air un peu gras, un peu mou, je sais pas. Il m'impressionne pas plus que ça, là. Alors, moi, je reste toujours à l'Ultimate Fighter avec les mêmes gars que j'aime. J'ai bien aimé, j'aime Roy Nelson, qui est aussi gras et mou, mais lui a plus d'expérience. Oh, j'ai peur de me tromper. Il me semble que c'est Justin Wren, son oncle de l'équipe Rashad Evans, qui est un bon lutteur que j'ai bien aimé à date depuis le début. Et Brandon Schwab, l'ancien joueur de la NFL qui s'entraîne avec Greg Jackson. Je vais sortir son nom comme potentiel gars qui se rendrait peut-être jusqu'à la finale parce que j'ai été très impressionné, moi, par Brandon Schwab. D'un point de vue, les anciens gars de la NFL, c'est celui qui m'a plus impressionné à date. Alors là-dessus, Ken, on passe-tu sur d'autres nouvelles qui se sont passées dans le courant de la semaine? On pourrait discuter peut-être un peu des galas à venir. On a glissé un mot plus tôt, là, mais l'UFC 107, comme on disait, avec Thiago Alves puis John Fitch qui vont s'affronter, ça s'annonce un méchant beau gala qui s'en vient avec BJ Penn puis Diego Sanchez en finale, Cheick Kongo, Frank Mir. La soirée devrait être remplie d'action. Oui, il y a de l'action dans les prochains mois dans le monde du MMA, puis Strike Force, UFC, puis effectivement, John Fitch, puis Thiago Alves, c'est une revanche dans leur cas. Les deux se sont déjà affrontés, mais je suis bien content de voir cet affrontement-là à nouveau, puisque je pense que le combat avait été très partagé, puis même Alves avait peut-être le dessus, mais finalement, de manière assez incroyable. John Fitch avait réussi à renverser la vapeur. Puis on l'a vu dans son combat face à Georges St-Pierre, là. C'est un gars qui a une résistance physique incroyable. Peut facilement manger une volée, mais encaisser, puis encaisser. Alors, ça va être un combat intéressant, ça, pour identifier peut-être le prochain challenger là, après le Hardy puis Swick à Georges St-Pierre. Oui, ben c'est ça. Moi, être bien honnête, je dirais même que je préfère le gagnant entre Alvarez et Fitch. Je sais que Georges St-Pierre a fait ce qu'il voulait de Alvarez et Fitch, mais d'après moi, ça va être encore pire face à Hardy ou Swick. Alors, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup le combat Alvarez-Fitch et je pense que le gagnant entre ces deux-là mériterait peut-être quasiment une chance avant Swick ou Hardy, là. Parce Oui. que c'est les numéros 2 et 3, je pense, dans la division. C'est officiel. Oui, ça, je suis d'accord avec toi, sauf que je pense pas que ça les intéresse, honnêtement. Être à la place de John Fitch, là. Pas sûr que Non, ça me c'est... tenterait Mieux... de refaire ça Ouais. un autre 50. Puis dans le cas de Thiago Alves également. Ben, regarde, dans le cas de Thiago Alves, je pense que c'était trop récent. Dans le cas de John Fitch, je suis pas prêt à dire ça. Je pense que John Fitch est un guerrier en dedans. Ça serait le fun qu'il soit ici à la voix des guerriers, parce que ça serait un parfait représentant. C'est pas le genre de gars, je pense, qui va avoir peur non plus. D'une autre façon, je pense que Georges St-Pierre referait ce qu'il voudrait de John Fitch, mais non, je vois que John Fitch, lui, dans sa mentalité, il veut une autre chance contre St-Pierre, ça c'est sûr. Pour revenir au UFC 107 qui aura lieu le 12 décembre, là, hey, cette carte-là, là, tu nous as parlé de deux combats, BJ Penn face à Diego Sanchez, John Fitch puis Thiago Alves. Mais moi, le combat qui va m'intéresser le plus, c'est Frank Mir face au Français Cheick Kongo. Un affrontement, là, j'ai hâte de voir ça. Ça va être intéressant à voir. Puis Kongo, surtout après la prestation que je viens de voir de Velasquez là, face à voyons, face à Big Ben Rothwell, ben moi ça me convainc que Kongo est encore meilleur que je pensais. Puis Mir va avoir beaucoup de difficultés à amener Kongo au sol, puis debout, Kongo a vraiment là, et je pense est supérieur, même si Mir nous a montré de très belles choses debout dans un combat face à Nogueira. Ça va être un bon combat intéressant. Florian face à Cli Guida. Ça va être intéressant. Paul Buentello, ton favori, avec une entrée, avec une douce musique mexicaine, même si je pense que Velasquez a essayé de faire ça hier, mais c'était pas la même Pas qualité aussi que. beau là, Non. il manquait de showmanship. Justement, Velasquez, comme je dis, il est trop concentré sur son travail. Ouais, puis Buentello face à Todd Duffy, ça va être bon, ce Duffy, là. C'est le gars qui a renversé, a sacré une volée dans quelques secondes à Tim Hag, là, en 7 secondes. C'est le record du Oui, UFC. on dit beaucoup de bien, et puis c'est ça, la division poids lourde, elle s'en vient très très belle. Et malheureusement, Fedor, là, il a pris la mauvaise décision, moi je dis, parce que les poids lourds dans Strike Force sont loin d'être aussi intéressants que ceux dans Oh, l'UFC. Et surtout parce que je dirais la machine marketing autour de l'UFC est tellement supérieure à celle de Strike Force. Alors l'UFC va créer des stars, tandis que les stars que Strike Force a, ils vieillissent et ont déjà perdu beaucoup de pedigree, à part Kareem. Les autres poids lourds qu'ils ont, là, c'est pas rien de si fantastique que ça. ouais, ben là, attention. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Strike Force, là, je pense qu'ils sont sur une belle lancée. Ça va être présenté sur CBS, c'est ça? Oui, CBS. CBS. Ouais. CBS, il commence à m'énerver un petit peu, là. Je vais faire une plainte là, contre CBS, là. Moi, là, je suis au Canada et j'ai CBS sur ma TV. Mais malheureusement, là, à chaque fois que CBS met une vidéo sur YouTube de Fedor Emelianenko, je peux pas le voir. Ils me disent que c'est restricted dans ma région. Alors, CBS, là, s'il vous plaît, partagez nous vos vidéos de Fedor. On veut les voir. C'est pas les Américains qui vont aduler un Russe, c'est le monde entier. Alors, s'il vous plaît, donnez-nous ça. Oui, puis est-ce qu'ils vont préparer des émissions spéciales précédant l'événement? Est-ce que tu sais ou je veux Ouais, pas de. le 3 novembre sur Showtime, il me semble ça va s'appeler Fight 360, l'émission, et ça va présenter Fedor et Brett Rogers. Là, ça devrait ressembler, j'imagine, à l'émission Countdown qu'on retrouve avec l'UFC. Mais encore une fois, je mentionnais la machine marketing et la qualité là des émissions que Strike Force nous offre justement pour promouvoir leurs produits est pas au même niveau, je pense, que celle de l'UFC. Puis ça va être intéressant de voir justement. Il y a eu des articles comme quoi que CBS profitait pas de la NFL et tout pour mettre des annonces, plus d'annonces de Fedor. Alors c'est ça, Strike Force, selon moi, manque un peu de compétences dans ce milieu-là, le marketing de leurs produits. Oh, ah oui, mais je pense que ça va, j'espère que ça va s'améliorer. Puis il y en a des noms dans les poids lourds maintenant, Fred, il y a Antonio Silva, il y a voyons, Fabricio Werdum, Alistair Overeem, j'ai hâte qu'ils reviennent, Brett Rogers, bon, 10-0, Il y en a des noms qui commencent à se greffer à il y a 10-0 l'organisation. contre qui? Oui, non, effectivement, à part Andrei Arlovski, Et il n'a rien cassé. Je suis d'accord avec toi, c'est très questionnable. Mais en même temps, dans le UFC, il y en a aussi qui ont de très belles fiches, mais on peut se demander contre qui aussi. Je ne suis pas prêt à placer Brett Rogers dans le top 10, là, loin de non, là. c'est ça. Non, t'as raison. J'en reviens aussi là à mettre beaucoup l'aspect sur le marketing. C'est ça, justement. L'UFC nous présente tellement bien leurs produits qu'on tombe en amour. Personnellement, moi aussi, là, j'ai pas de misère à l'admettre. Moi, je suis pas toujours en accord avec Dana White, là, mais je suis un grand amateur de Dana White, le businessman et le promoteur. J'ai pas. Il faut que je l'admette. J'ai un certain penchant vers son produit. Est-ce qu'on tentera de récidiver avec une émission spéciale live ou semi-live pour l'événement Strike Force? Oui, on va avoir quelque chose, c'est sûr, pour l'événement Strike Force, parce que là, on parle de Fedor, là, mais c'est pas le seul combat intéressant, je pense, sur cette soirée-là. Moi, en tant qu'amateur, j'ai très hâte de voir Jake Shields. On parlait d'Alvarez et Fitch, mais regarde-moi, Jake Shields, c'est peut-être celui que je voudrais voir contre Georges St-Pierre. Oh. Son stand-up est pas bon et pas au niveau de St-Pierre, mais son jiu-jitsu est tellement à un niveau excellent. Jake Shields, pour moi, quand je pense élite de jiu-jitsu dans le MMA, je pense à BJ Penn, à Damien Maia, je pense à Jake Shields. Alors, c'est un combattant que j'aime beaucoup. Contre Jason Miller, je vais admettre personnellement que je suis pas un grand amateur de Jason Miller. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime Jason Miller. Alors, ça va donner un match-up intéressant, puis j'ai hâte de voir ça. À part de ça, il y a aussi Silva, comme tu mentionnais, qui va se battre contre Verdum. Puis Antonio Silva, je dois admettre que c'est un poids lourd que j'aime bien. J'y vois un bel avenir. Il est encore jeune avec un très solide jiu-jitsu. Alors, c'est ça, Antonio Silva, j'ai hâte de le voir. Oui, puis je te le dis tout de suite, là, c'est vraiment une primeur que je vais vous mentionner à l'instant. Mais ce sera ma deuxième prédiction, Gisèle, parce que oui, je vais y aller avec Jason Miller pour son affrontement face à M. Jake Shields. Miller a affronté à deux reprises Ronaldo Souza, qui pour moi est supérieur à Shields encore au sol. Alors que Shields, oui, c'est un magicien au sol. Mais Miller a réussi à s'en tirer dans le passé. Je pense que Miller vraiment est supérieur debout et je vais donner la victoire à Jason Miller. Ce sera ma prédiction, Gisèle, et j'espère qu'elle va porter fruit, ce qui n'a pas été le cas avec la décision pour Monsieur Yoshiaki Yoshida. Alors ça, c'est une invitation, hein. Les mises pour l'événement Strike Force, c'est déjà en place. Vous pouvez déjà parier et suivre les déroulements de chacun des combats, puis des mises qui sont là, les cotes pour chacun des combats, et suivre ça parce que ça peut bouger beaucoup. Oui, Ken, tu parles de jiu-jitsu et tout là. On n'a pas encore mentionné ça, mais cette semaine, peut-être la plus grosse nouvelle, malgré que le gars a juste 3 combats, c'est la signature de Rose Gracie, juste par son nom. C'est une grosse signature pour l'UFC. Ça fait couler de l'encre et c'est le fun. Moi, je trouve qu'on revoit un Gracie finalement dans l'UFC. Ouais, je pense qu'on en a parlé de Rose Gracie dans le passé. Je sais pas si tu te souviens d'un événement qui avait lieu en Chine. Oui, Art of War. Ouais. Honnêtement, l'UFC ont signé un Gracie, mais c'est vraiment pas le meilleur des Gracie, puis même pas dans les lourds. Moi, je pense que Ah non, je ne le Roger connais pas Gracie. assez, je ne peux pas me prononcer. J'ai fouillé sur YouTube, puis j'ai pas réussi à trouver aucun de ses combats de Art of War. La seule chose que j'ai vue, c'est son combat de l'IFL. Mais en tant que tel, un Gracie dans l'UFC, je suis content de revoir ça quand même. Ça ramène le nom de ceux qui ont mis leur empreinte de bonheur dans le sport. Alors, Oui, c'est. ça, t'as parfaitement raison. D'ailleurs, je dois dire, je pense que le meilleur Gracie est sûrement signé avec Strike Force. C'est Roger Gracie, qui est pour moi supérieur là, à tout autre Gracie dans les poids lourds. Mais puis j'ai hâte de voir Rogers en action. C'est un gars très talentueux. Peut-être tu peux répondre à cette question-là par rapport. J'ai essayé de chercher puis j'ai pas trouvé. Rose Gracie, es-tu le fils à un Gracie qu'on connaît ou quoi? À Rose Gracie. C'est fucké comme ça, là, mais ouais, c'est le fils à Rose. Mais il y en a un, c'est Rolls, puis l'autre, c'est Et par Rolles. rapport à Royce, est-ce que tu connaîtrais c'est quoi le lien qu'il y a ou? Ben, c'est un cousin, Un parce que bon, cousin, ok. Royce Rickson, Royler, je pense, ce sont des fils de pas de Rickson, Elio. évidemment, d'Elio Gracie. Ce sont peut-être des fils, des demi-frères parfois, là, parce que bon, c'est comme ça. Mais Roll, c'est lui qui est mort, ben lui, c'était le frère d'Elio. Alors, c'est ça. Dans le cas de Rolls Gracie, celui qui vient de signer avec le UFC, là, mais lui, il a deux autres frères, Gregor. Puis un autre dont là, je ne me souviens pas de son nom par cœur. Il sent. Oui, Il va vas-y. falloir qu'on lise la biographie, l'arbre généalogique avant qu'il y en ait plus qui se rajoute puis qu'on se mélange encore plus. Ah oui, c'est vraiment mêlant, là. Mais eux, celui qui vient de signer avec le UFC s'entraîne avec Renzo Gracie à New York. Et dans le cas de Roger Gracie, lui, c'est un vrai Gracie, mais par contre, c'est sa mère qui était une Gracie. Son père, c'est pas un Gracie, mais il a pris le nom de sa mère parce qu'évidemment, il voulait représenter le clan Gracie. Bon, ben c'est quand même une grosse signature qui va attirer des yeux. Alors, ça va être intéressant de voir ça. À part ça, cette semaine, on a parlé un peu de Bellator hors des ondes. Bellator a annoncé qu'il revenait. Et Bellator, qui a pas une grosse liste de gros combattants, vient avec un beau contrat de télévision quand même. Ils vont être présentés sur Fox Sportsnet et en espagnol sur Telemundo. Malheureusement, ils n'ont pas pensé aux francophones. Ils nous ont pas offert ça. Alors, mais Bellator Fighting Championship va revenir en 2010 avec deux tournois. Un qui va commencer au mois d'avril et se terminer, j'imagine, vers le mois d'août. C'est 12 semaines consécutives, comme le dernier. Et un autre tournoi qui va commencer au mois d'août. Alors, l'année passée, ils nous ont offert, même s'il n'y avait pas des super de gros noms, il y avait Eddie Alvarez, sûrement le plus connu. Il y a eu de très beaux combats puis des très beaux moments. Je me rappelle d'une super soumission que le gars, il était dans les airs accroché sur. Oui, étranglement triangulaire, Puis oh inversé. là là. Je pense que c'était Toby Imada, mais ça, je suis pas convaincu. Exactement, quelque chose comme ça, son nom. Je voulais pas le magané, Ouais, mais ça ça, ressemble c'était à quelque ça. chose. Alors, Bellator qui revient, c'est quand même une bonne nouvelle pour le MMA. Puis on a perdu Elite XC et d'autres promotions qui disparaissent. Alors, en même temps, il faut qu'il y en ait des nouvelles qui apparaissent pour donner un peu de compétition et justement créer un marché pour les combattants. Oui, honnêtement, Bellator, c'est une organisation correcte, là, mais maudit que ça m'excite pas pantoute, ça. Mais on suit ça pour vous, ça c'est évident, pour savoir qu'est-ce qui va se passer, qui seront les combattants signés, si l'organisation va prendre de l'ampleur. Parce que c'était un peu bizarre quand même, c'était des événements presque à chaque semaine, là, je pense. Oui, c'est semaine après semaine et c'est un format de tournoi. Alors, c'est un format différent, c'est sûr. Oui, puis. Tu sais, ils ont lieu où ces combats-là? Des fois, il n'y a personne qui regarde ça, honnêtement. Ouais, ben, le problème l'année passée, c'est qu'en direct, il était juste en espagnol sur ESPN Deportes, qui est la version espagnole de ESPN. Mais cette année, c'est ça justement, avec le succès qu'ils ont eu sur Internet, ils ont décidé d'avoir un contrat de télévision Fox Sports Net. Fox Sports Net, oui, c'est ça le télé. Voyons, le diffuseur. Eux autres, j'essaie de me rappeler les chiffres, mais il me semble que c'est quelque chose comme 58 millions de foyers américains qui ont. Alors, ça offre une visibilité intéressante pour Bellator. Et en même temps, je pense que ce format de tournoi-là, c'est fait pour les jeunes combattants. Parce que 12 semaines, 3 combats, c'est justement, il faut que ton corps reprenne sa force assez vite. Alors, ça peut créer des nouvelles stars. Moi, j'aime bien Bellator. Ouais, ben écoute, on a jamais trop d'organisation. Puis ça a l'air sérieux, puis contrat, comme tu nous dis, le télévisuel, ça semble bien fonctionner. Alors, bien tant mieux. Oui, une autre nouvelle qui s'est passée cette semaine, peut-être qu'on va juste dire vite. André Arlovski chez Greg Jackson, tu penses-tu que ça peut remettre Arlovski où est-ce qu'il a besoin d'être? Ah là là là là là là là là. Ben Arlovski, je pense pas que son problème c'était son camp. Je sais pas, il y a un menton fragile. Oui, La tu confiance sais. aussi, je pense qu'il manquait un peu à la fin. Je pense qu'il avait perdu confiance. Ouais, effectivement, mais en même temps, là, c'est un sport de fou. Puis dans les poids lourds surtout, tu sais, t'es à une claque, les lumières s'éteignent. C'est un gars qui a plein de talent, Arlovski. Mais n'importe qui dans les poids lourds peut gagner un combat, puis n'importe qui peut le perdre, là. À part Fedor jusqu'à maintenant, qui est incroyable. Sinon, là, tu sais, c'est une bine, puis tu tombes au sol avec des petits gars comme ça pardonne pas. Puis Orlovski, je pense qu'il est bien meilleur que Brett Rogers. Puis dans un combat revanche, probablement qu'il y aurait l'ascendant. Mais là, il a pas été chanceux. Tu vois, moi, j'aime beaucoup Arlovski. Ben, je l'aimais beaucoup, mais dans ses derniers combats, justement, j'ai mentionné la confiance, et c'est ça, il m'a de l'air. Il a pas de l'air à avoir la confiance qu'il avait à un certain moment, mais je dirais qu'il l'a même perdu dans ses combats contre Tim Sylvia jusqu'à il y a aussi longtemps que ça. On a vu un Arlovski différent par après. Et justement, on a exposé peut-être son menton un peu fragile. Et dans sa tête, il doit le savoir que son menton est fragile et ça joue dans ses performances. Ouais, alors effectivement. Pour ma part, j'ai peut-être un événement dont je veux vous parler, le Ringside 4, donc quatrième événement de l'organisation du Québec plutôt, qui va se dérouler à Drummondville pour la première fois le 14 novembre prochain. Ça aura lieu, ça, à l'hôtel Best Western de Drummondville. C'est intéressant puisqu'il y a un ancien combattant du UFC qui sera Steve Vigneault, un combat dans le UFC. Il avait perdu malheureusement et depuis il n'a pas remis les pieds dans un octogone. Et là, c'est un retour pour Steve Vigneault. Il va affronter Dan Chambers et également Guillaume Lamarche sera là, Scott Pearson, Christopher Boisvert également, Mike Ritchie, jeune prometteur, il sera. Des gars comme Pierre-Étienne Marcoux, qu'on a vu à la MFL il y a une semaine ou deux, qui avait très bien fait, qui a perdu, mais quand même, qui m'avait impressionné. Il y a beaucoup de gars de Drummondville qui vont y être, évidemment, puisqu'ils vont combattre devant leurs siens. Alors, le clan Yannick Bergeron sera bien représenté pour un événement qui propose le retour de Steve Vigneault. C'est pas peu dire pour le Ringside 4. Rivalité le 14 novembre prochain. Il y a une déception pour ma part dans ce combat-là, c'est que Kevin Morin ne sera pas là pour affronter Christopher Boisvert dans un combat revanche, parce qu'on se souviendra dans un événement précédent, une erreur de jugement de l'arbitre Jerry Bolin. On avait donné la victoire à Kevin Morin et après ça, il me semble qu'on avait dit que les deux allaient s'affronter à nouveau assez rapidement. Mais bon, malheureusement, ça ne sera pas le cas pour le Ringside 4. Par la suite, mon Fred, je pense que ça fait presque le tour. Oui, on a pas mal fait le tour. J'allais juste peut-être dire, je sais pas si t'as vu la démonstration de Efren Escudero, comment vider son oreille de chou-fleur que j'ai mis sur le site. Non, j'ai pas regardé ça. T'as pas regardé ça, tu iras voir, c'est éducatif et c'est peut-être un peu dur sur l'estomac des fois, mais ça nous montre comment ils font pour vider leur oreille de chou-fleur. Alors, de toutes les beautés, amis, alors dégustez peut-être un bon repas en regardant ça. Et autre chose sur mmenouvelles.com, on vous invite au courant de la semaine pour être aux nouvelles, aux faits et de tout ce qui se passe au UFC. Pour le Strike Force, pour toutes les grandes organisations québécoises, américaines, interplanétaires. Ça se passe sur mmenouvelles.com. Vous avez des commentaires, des suggestions, des idées à nous faire parvenir. Vous n'avez pas aimé notre émission, vous n'aimez pas ce qui se fait. Vous nous trouvez vraiment très poche. Hier soir, le samedi, le 24, vous aviez prévu de nous écouter, puis là, l'émission a peut-être pas fonctionné comme ça c'était supposé. Ça vous a brisé votre journée, puis là, vous nous en voulez à mort. Eh bien, c'est sur radio@commercialmmenouvelles.com. Vous nous dites tout ça. À l'attention de Ken. Ouais, non, si vous avez des choses positives à dire, c'est à moi qu'on adresse. Et puis, pour toutes les méchancetés, évidemment, vous inscrivez Fred, l'homme nouvelle, Flintstones, Garcia, mon partenaire, frère camarade de tous les jours. Et là-dessus, ça conclut pour notre émission. Mais avant ça, vous voulez savoir, mais de qu'est-ce qu'ils vont parler la semaine prochaine? On va parler de Strike Force. Oh yes, Strike Force, la semaine prochaine, il y a deux événements, un après l'autre. C'est un peu bizarre. Il y a un Strike Force Challenger le 6 novembre, que personne n'a entendu parler, là. Puis il y aura le Strike Force 7, évidemment. Donc, on va vous faire le tour de la carte la semaine prochaine avec Fiedor, évidemment, qui y sera. Il y aura le Sengoku également, le 11e événement de l'organisation japonaise, qui a lieu également le 7 novembre. Alors, c'est un peu ça pour notre prochaine émission. Pour l'instant, on vous dit au revoir. Vous avez écouté la voix des guerriers. Et passez une belle et agréable semaine. Salut Fred. Salut Ken.